continente, tá na fafo, tá mais de que. Viagada, maliri, me trouva ali, joli. De tudo que passou, de la gente, com sua solução. Femme, salé, fidèle, e connaît tout votre cinéma. Même si lui propose à tes dispos. Femme, salé, fidèle, e connaît tout votre cinéma. Même si lui propose à tes dispos. Cinéma, même si ni propose tu dispose. Femme salée, fidèle, ça y connaît tout notre cinéma, même si ni propose tu dispose. Vendredi 7 octobre, journée mondiale du sourire, on smile tous. Aïe aïe aïe, même si smile. C'est dur, hein, c'est encore smile. Bien congelé, ah, c'est là. C'est dur, tu Florent, vois, là. Aïe, aïe, le aïe. Visage est un petit peu. Tant, ouais, crasé. Toi, c'est, ça, c'est, dur. Oui, c'est normal. Bienvenue à tous. 5 heures sur la première. Oui. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il faisait venir la drogue de Chine. Un homme a été condamné hier à 4 ans de prison pour avoir fait entrer dans l'île la drogue du cannibale. L'importateur passait commande sur Internet, un complice chargé de la revente. Au total, 10 personnes ont été condamnées. Eux sont professeurs au lycée professionnel et ils ont décidé tous ensemble de débrayer une heure. Hier, ils voulaient protester contre toutes les formes de violence. Certains enseignants se sont même rendus devant le rectorat. Nous étions sur place. Enfin, c'est un rendez-vous incontournable dans le sud. Florilège démarre aujourd'hui au tampon. Et pour cette 33e édition, la mairie a rajeuni le parc Jean de Cambière. Elle a aussi invité Calogero et Rock Voisine. Il s'agit d'une drogue de synthèse, une dose se vendait dans l'île près de 200 euros. On parle ce matin de la drogue dite du cannibale. Le trafic a duré quelques mois entre juin et décembre dernier avant que le réseau ne soit démantelé. Hier à Saint-Pierre, l'importateur, le revendeur et plusieurs consommateurs, au total 10 personnes, étaient jugés. Principal accusé, celui qui faisait entrer la marchandise à La Réunion, il écope de 4 ans de prison ferme et de 25 000 euros d'amende. Une peine lourde mais qui satisfait tout de même Georges-André Hoirot, l'avocat de l'importateur. Monsieur le procureur demandait 5 ans d'emprisonnement ferme au titre de l'exemplarité. Je suis très satisfait de constater que le tribunal n'a pas suivi dans cette exagération de peine, puisque la peine était ramenée à 4 années et non pas 5. Pareil pour l'amende, c'était considérablement diminué. Effectivement, les gens doivent répondre de leur faute en fonction de leur casier, de leur passé, et non pas pour éviter à d'autres personnes de commettre les mêmes erreurs. Maintenant, nous avons 10 jours pour faire appel, nous réfléchirons avant de le faire. Ce sera à mon client de décider. En tout état de cause, nous sommes déjà d'ores et déjà satisfaits sur le fait que cette peine a été considérablement réduite, tant au niveau des dommages d'intérêt que de la peine privative de liberté. Georges-André Ouarraud, l'avocat du principal accusé dans ce trafic au micro Réunion Première de Sophie Persson. Le principal revendeur a lui été condamné à 30 mois de prison ferme et à 15 000 euros d'amende. Tous les autres prévenus, revendeurs mais surtout consommateurs, ont écopé de peines allant de 6 mois avec sursis à 10 mois ferme. La drogue du cannibale a des effets dévastateurs, agressivité accrue, tachycardie ou hypertension. L'importateur avait réussi à écouler pour 35 000 euros de marchandises avant de se faire arrêter par les forces de l'ordre. Les policiers qui étaient hier au collège de Cambuston, pas de drogue, là-bas, ils intervenaient dans le cadre des rencontres de la sécurité. La quatrième édition a démarré hier. Au programme, arrestation d'un scootériste, un terroriste abattu également. Les élèves ont pu assister à des exercices grandeur nature, des exercices qui ont retenu toute leur attention. Patrick Ramoudou était sur place. La brigade motorisée de la police qui prend en chasse un scootériste, le GIPN maîtrise un terroriste qui faisait feu à tout va. Les jeunes du collège de Cambuston ont donc pu voir certains métiers de la police et le tout dans un cadre éducatif. L'atelier cybercriminalité a aussi connu un bon succès. Il est vrai que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux et font beaucoup d'erreurs. Corinne Casanov, adjointe du chef d'état-major à la direction départementale de la sécurité publique. Ils ont de nombreux amis et il n'y a pas suffisamment de pare-feu. Facebook présente effectivement des possibilités d'avoir des pare-feu, des mots de passe, des techniques pour justement se protéger et puis n'accepter que ses amis. Les parents ne se méfient pas suffisamment. Et effectivement, le compte est ouvert à tout va avec leur vraie identité, bien sûr, leur date de naissance, parfois leur adresse, toutes les photos avec les amis. Et voilà, et c'est totalement imprudent. En tout cas, ces jeunes ont été bien informés et savent qu'ils devront être vigilants. Il ne faut pas qu'on ait pas sur Facebook, fais attention sur Internet, nous ne sommes pas à l'abri de quelque chose. Il ne faut pas à chaque instant poster des photos, on peut avoir des problèmes. Sur Facebook, ben, faut faire attention à des gens qui sont des pédophiles, des trucs comme ça. À eux maintenant de mettre tout ça en pratique, histoire de ne pas se mettre en danger inutilement. Et ces quatrièmes rencontres de la sécurité se terminent demain. Ça se passe aussi au Tampon, à Sainte-Marie et à l'Étang Salé. Lui aussi est là pour notre sécurité. Le Dash 8 est arrivé hier dans l'île. L'avion bombardier d'eau sera positionné à Pierrefonds durant toute la saison des feux de forêt du 15 septembre au 15 décembre. Comme chaque année, un plan de lutte spécifique a été mis en place. L'an dernier, 262 départs de feu ont été enregistrés. 198 hectares de végétation sont partis en fumée. Ils se sont quasiment tous arrêtés de travailler. 97% des professeurs des lycées professionnels ont débrayé pendant une heure hier. Ils protestaient contre les violences verbales ou physiques de plus en plus fréquentes dans les établissements. La semaine dernière, deux enseignants du lycée Jean Inglot au Port ont été agressés. Alors pour se faire entendre, les enseignants du lycée de l'Horizon au Moufia se sont rendus hier devant le rectorat. Les précisions de leur délégué syndical Force Ouvrière Jean-Paul Paquiri. Ça fait plus de deux ans qu'il y a une violence qui se déchaîne dans les établissements en lycée professionnel. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir faire remonter aux autorités notre malaise, notre peur de venir travailler. En fait, ce sont des élèves en manque de repères qui ont besoin vraiment d'une assistance. Ils n'ont pas le niveau. Au lieu qu'il y ait des filières de CAP pour les accueillir, il n'y a pas de filière CAP. On a des élèves qui sont mal orientés et qui arrivent chez nous. Des élèves qui n'ont plus de structure, qui ne sont pas du tout adaptés pour eux. Et lorsque ils sont désœuvrés, il y a un climat de violence qui traîne dans les cours des lycées, aussi bien entre les élèves que dans les classes, parce qu'ils sont, démotivés. Jean-Paul Paquiri, délégué syndical Force Ouvrière au lycée L'Horizon au Moufia, interrogé par Priscilla et Thève. Certains enseignants ont été reçus par le recteur, mais aucune solution concrète n'a été trouvée pour l'instant. Le personnel du CHU est, lui, en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Les deux sites, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, sont concernés. Les salariés ont fait part de nombreuses revendications, notamment l'accompagnement financier de l'État et le respect du projet social 2016-2018. 5h06 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Avec cette nouvelle avancée dans la lutte contre le chômage, la direction territoriale sud de Pôle emploi et la Fédération des particuliers employeurs ont signé hier une convention de partenariat, une signature qui s'inscrit dans la semaine de l'emploi à domicile. Concrètement, cette collaboration vise à aider le retour à l'emploi, mais aussi à répondre aux besoins des particuliers employeurs. Et pour cela, les deux organismes socio-professionnels s'engagent sur quatre axes majeurs. Yann Pollard, directeur territorial Sud Pôle emploi Réunion. Le premier d'entre eux est bien de valoriser les métiers de l'emploi autour de la famille et des services à la personne. C'est également d'intégrer toutes les spécificités de ces emplois, donc entre particuliers avec l'appui de Pôle emploi pour en faciliter l'accès pour les demandeurs d'emploi. Et c'est également simplifier la capacité pour les futurs employeurs et les demandeurs d'emploi en recherche d'activités autour des métiers donc des particuliers employeurs, d'en simplifier l'accès. Et enfin, d'œuvrer à la construction de parcours professionnels pour les demandeurs d'emploi afin d'améliorer la qualité des métiers et la qualité d'accès à ces métiers. Yann Pollard, directeur territorial sud Pôle emploi, Réunion, interrogé par Priscilla Etève. Et puisque l'on parle emploi, l'armée de l'air recrute. Elle prévoit d'enrôler 2600 jeunes l'an prochain. 50 métiers seront proposés. Plus de renseignements sur le site air-toutunearmée.fr. Ça démarre aujourd'hui et ça dure un peu plus d'une semaine. Le tampon va vivre au rythme des florilèges pour cette 33e édition. La mairie a décidé de rajeunir le parc Jean de Cambière. D'importants travaux ont été réalisés. Comme chaque année, les meilleurs horticulteurs seront présents, des professionnels pour qui Florilège est un rendez-vous incontournable, même si aujourd'hui la vente n'est plus le seul objectif. Les précisions de Joseph Avril, vice-président de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes. Les salons, d'une manière générale, c'est pratiquement fini de dire qu'on vient pour écouler la production. Non, on est là pour faire en sorte que ça écoule en une bonne partie de ce qu'on a mis en œuvre pour cette période-là, mais aussi c'est de voir plus loin. Beaucoup d'entreprises accueillent les clients, donc c'est de les amener à venir dans les entreprises, c'est de les amener à comprendre c'est quoi un produit fabriqué à La Réunion, qu'est-ce que vous nous demandez pour qu'on puisse mettre en œuvre la production qui correspond à ce que vous avez vos besoins, et ainsi de suite. Le contact direct est très très important et d'autant plus qu'aujourd'hui, on connaît très bien comment l'économie est difficile. Donc, créer de l'emploi, travailler localement ou régionalement dans un truc, aujourd'hui, porte ses fruits. Joseph Avril, vice-président de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes au micro Réunion Première de Pierre Comorassami. Florilège, c'est jusqu'au 16 octobre au tampon. La mairie qui a invité cette année Calogero et Rock Voisine. Un dernier mot pour vous parler de cette enquête participative pour les 18-34 ans. C'est Génération Watt, une opération France Télévisions. L'enquête démarre aujourd'hui. Il sera question de sexualité, de réussite, d'amitié et d'identité. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Benjamin Morel, directeur d'antenne télé à Réunion Première. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, Fanny Bouvard, on parle du dopage dans le monde du rugby. Le monde du rugby et la finale du top 14 entachés de soupçons de dopage. Selon les informations du quotidien L'Équipe, des traces de corticoïdes auraient été retrouvées dans les urines de trois joueurs du Racing 92, sacré champion de France le 25 juin dernier à Barcelone. Dan Carter, le champion néo-zélandais, serait concerné, tout comme Joe Rokosoko et Juan Imhoff. Sans autorisation médicale, les corticoïdes sont considérés comme des produits dopants durant les compétitions. Nouvelle soirée tendue en Corse à Corté. De jeunes nationalistes s'en sont pris aux forces de l'ordre alors qu'ils manifestaient contre les condamnations de trois de leurs camarades pour un attentat perpétré en 2012 contre la sous-préfecture. Personne n'a été blessé et le calme est revenu. D'ailleurs, des rassemblements de soutien à Ajaccio et à Bastia se sont déroulés sans incident. Haïti meurtri après le passage de l'ouragan Matthew. Le décompte des autorités n'en finit pas. Au moins 264 personnes ont été tuées. Mais la zone touchée de plein fouet par l'ouragan, le sud du pays, reste très difficile d'accès. Des convois humanitaires sont dépêchés sur place. La France envoie notamment deux hélicoptères pour des missions de secours. L'ouragan Matthew, qui quitte en ce moment les Bahamas et fonce droit sur la côte est des États-Unis, il se renforce et devrait atteindre la Floride dans les prochaines heures. Sur place, plus de 2 millions d'Américains ont été sommés d'évacuer le littoral. Les aéroports sont fermés et la garde nationale et la sécurité civile sont sur le pont. L'avenir d'Alep, au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi. Une rencontre réclamée par la Russie alors que Moscou et l'armée syrienne poursuivent leur offensive contre les zones rebelles de la ville. Ces quartiers risquent la destruction totale d'ici la fin de l'année, selon l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. 275 000 personnes vivent toujours sur place, assiégées. En France, Nicolas Sarkozy dans le viseur d'Alain Juppé, invité de l'émission politique sur France 2 ce jeudi, le maire de Bordeaux a jugé qu'il y avait panique à bord dans le camp de son rival. À l'inverse, il dit sentir l'adhésion autour de lui à 6 semaines de la primaire à droite. Alain Juppé, qui a quand même assuré qu'il se rangerait derrière Nicolas Sarkozy si ce dernier l'emporte, à condition, dit-il, que le vote soit honnête. Il faut rester vigilant, a-t-il ajouté. À gauche, François Hollande livre peu à peu les pistes de son programme. Alors qu'il était en colloque organisé à Paris ce jeudi, le président de la République a plaidé pour une démocratie revisitée, avec des lois adoptées plus rapidement au Parlement, pas plus de 70 jours, et le nombre de mandats des parlementaires limité, pas plus de 3 successifs. Allez, allez, on se réveille, 5h13 sur la première. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Faut se réveiller, Mickaël, même si le ciel fait grise mine. Et pourtant, c'est la journée mondiale du sourire. Il devrait sourire le ciel. C'est pas forcément le cas. Sur la moitié nord, on aura le même type de temps qu'hier. Du port en passant par Saint-Denis et Sainte-Rose, Mafat, les plaines et le volcan inclus. Le mauvais temps va persister sur ces régions avec encore de bonnes averses, parfois des accalmies et des coins de ciel bleu. Mais enfin, inutile d'en espérer beaucoup. Peut-être un peu plus sur la partie sud. L'ouest et le sud-ouest notamment ce matin, mais cet après-midi, tout le monde sera logé à la même enseigne. On devrait retrouver quelques éclaircies sur la partie nord de l'île en cours d'après-midi, ce qui signale une amélioration. Attendu certainement pour demain. Elle est prometteuse, cette amélioration. Elle est prometteuse pour le week-end. Toujours un vent nord qui souffle sur l'ouest et l'est. 50-60 km/h de rafale. Il a bien soufflé hier dans l'ouest. Certains nous disaient tant de cyclones, peut-être pas à ce point, mais c'est vrai qu'il a le vent a été important. Et ce vent nord nous ramène une atmosphère lourde sur le département. Les températures sous abri ne sont pas élevées, hein, puisque le soleil n'est pas bien présent. Mais par contre, effectivement, l'atmosphère est pesante et donc les nuits, notamment, sont beaucoup moins fraîches qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine de jours. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. On est de retour les amis, bienvenue. Oui, c'est comme ça, enfin, gros bisou à Nadine, oui. Du Guillaume. Allez, c'est fait. Qui nous a envoyé son SMS au 70-2000, qui en cette journée du sourire, eh bien, nous envoie son plus beau sourire. Ma fille Noranaou, pareil. Voilà, on le voit bisous, comme Nadine. Ça à travers la radio. Ma chère Nadine, sourions-nous ce matin, sourions-nous à tous, sourions-nous sur Facebook, likez la page Grand Matin d'ailleurs, continuez de rejoindre cette communauté. C'est important. On vous attend par SMS au 06 92 70 2000 Isa, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous faire gagner aujourd'hui. Et alors là, aujourd'hui, c'est le best of the best. Eh oui, puisque aujourd'hui, c'est tirage au sort. Oui. Qui va profiter de sa nuit d'hôtel en chambre double avec petit déj à l'hôtel Le Vieux Cep à Cilaos? Eh bien, on le saura avant 8h. Il faut vite envoyer son petit SMS ou bien encore liker et poster un petit mot sur la page Facebook. On embrasse d'ailleurs Sabrina. Il nous souhaite une belle journée. Bisous, la Sabrina. Pluie du côté de Saint-Benoît. Aïe, aïe, aïe. Votre week-end en 3 étoiles avec un like sur Facebook ou un SMS au 70-2000. Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Prisca, par exemple, aimerait elle aussi être en 3 étoiles ce week-end. Mm-hmm. Mais je ne sais pas. Si malheureusement elle pourra l'être. Elle a déjà au moins toutes les étoiles du ciel, c'est déjà pas mal. Oui, enfin non, pas vraiment. Non, même pas. Pas vraiment, on va vraiment demander à Prisca, on voit les étoiles, Prisca. Bonjour. Bonjour. Non, mais ils sont derrière les nuages. Zéro étoile. Oui, c'est ça. Oui, oui, elles sont là. Elle y croit. Elle est toujours positive. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bon, préparez votre plus beau sourire. Je vais venir vous prendre en photo dans le marché pour Anne Saint-André ce matin. Ah, Saint-André. Il fait quand même meilleur que hier à Brapanon. Côté temps. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais souriez quand même. Souriez quand même, vous serez filmé. Je vous ai dit, le soleil, il est derrière les nuages. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Après, ce qu'il y a 6h, moins le quart, à tout à l'heure. À tout. Bisous. Allez, bye bye. Tout sport sur Réunion Première. Cette année encore, 3 menus sont proposés aux dévoreurs de dénivelé que sont les trailers. Ça s'appelait le semi-raid, ensuite c'est passé sur le trail de Bourbon, on était autour de 90 km. En fait. Du coup, connu, la tête il gonfle, chez lui il gonfle, et puis j'ai le ballon. À tout sport, tous les vendredis à 18h15 sur Réunion Première. Première. Juliette, fais-nous un beau sourire. Oh là là. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour tout le monde, excellente fin de semaine à tous et à toutes. Aujourd'hui nous sommes vendredi, le 7 octobre, nous fêtons les Serges. Bonne fête messieurs, merci d'être là, voici les prévisions astrales tout de suite, de la première. Bélier, vous serez la favorite ou le favori de tout le monde aujourd'hui. Taureau, vous risquez de vous révéler lunatique, capricieux, voire indécis. Gémeaux, votre comportement avec l'argent va changer. Cancer, ne vous recroquevillez surtout pas sur vous-même, c'est ce que souhaitent vos concurrents. Lion, on vous fera sentir à quel point c'est un privilège d'être à côté de vous. Vierge, sentiment durable, vous vous engagerez en profondeur les célibataires. Balance, vous avez besoin de créer, d'avoir des activités qui vous tiennent en haleine et qui vous tiennent à cœur surtout. Scorpion, faites quelques exercices de respiration, cela va vous aider à vous détendre. Sagittaire, c'est une période harmonieuse qui commence, mais ce qui ne signifie pas ennuyeuse. Capricorne, vos projets prennent forme sans précipitation. Verseau, encore un peu de patience, tout arrive pour vous. Poisson, votre perspicacité vous permet de voir au-delà des apparences et c'est un plus. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Oh oui. Elle a souri. Elle a souri. Faites-le sourire, oh vous aussi, votre homme ou votre femme, faites-la sourire. Journée mondiale du sourire aujourd'hui. Mm-hmm. Fontainebleau, c'était hier. Tiercé, quarté, quinté plus. Discouret. Oui. Et puis on a eu les résultats. Voilà. C'est ça. Alors peut-être que vous allez sourire si vous avez gagné. Seulement si vous avez joué le 17, le 11, le 7, le 8 et le 9 hier. 17, 11, 7, 8, 9. Numéro plus gagnant 04 81. Votre quinté aujourd'hui vendredi. Ce sera en nocturne, départ prévu 20h35 pour le prix Charles et Mills à Vincennes. Faudra bien écouter les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première pour cette course. 15 partants, 2850 mètres à parcourir, 1 million d'euros dans la tirelire. Le pronostic donc du fouineur qui vous conseille le 7, le 9, le 14, le 10, le 13, le 5, le 15 et le 8, 7, 9, 14, 10, 13, 5, 15 et 8. Pour ce quinté ce soir à Vincennes, le prix Charles et Mills, départ prévu à 20h35. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Et pour certains et certaines, ce sera les vacances aussi ce soir. Hein. Ça y est. Okay, oui. On part pour deux semaines de vacances. Mmh. Et vous les passerez sur Réunion Première parce qu'on restera là pendant toutes les vacances. Forcément, grand matin et bien sûr toutes les émissions de votre radio, on l'espère, oui, préférée, de votre radio préférée. Change, Buster, Blackout, bonne journée. Dans la cale comme des animaux. Moi t'es gratte, lit t'es tapné. Huit mille bébés en réunion, ni plus ni moins un rayon. Non, voilà c'est vivant condamné. Comme un cagnard dans le fourneau. Tout y allait ton coco au travail dans le bureau. Yeah. Comme il chante mon malheur, mon fond de cœur il lève en flair. Pour faire rêve de ton frère, pour tout ton cœur il rêve. Qu'a fiable la vie coulait. Voilà c'est vivant condamné. Lui m'y veut vivre en réunion, ni plus ni moins. Non, voilà c'est vivant condamné. Yeah. Oui, m'y veut vivre en réunion, ni plus ni moins qu'un rayonné blackout. Kafka faiblit pas, y'a pas de main. Kafka fait voler, y'a pas de main. Kafka diamant dans les pots de main. Kafka à moi-même. Dans le béton, dans le ghetto. Qu'a blac à moi-même. Qu'a fla blac à vous. Qu'a fla blac à vous. Non, non, non, voilà c'est vivant condamné. Yeah. Oui, ni veut vivre en réunion, ni plus ni moins qu'un rayonné. Kafka faiblit pas, y'a pas de main. Kafka fait rouler, y'a pas de main. Kafka diamant dans les pots de main. Kafka pas qu'à moi-même, dans le béton, dans le ghetto. Qu'à blague à moi-même, qu'à fla blague à vous. Qu'à fla blague à vous, non. Moi, j'arrive par bateau dans la cale comme animaux. Moi, t'es gratte, li t'es tap. Moi, t'es danse comme Zako Baya. Li t'es ri, moi, t'es cri. Kaf nana, c'est peau. Non, moi, la c'est vivant condamné. Lui, mi bébé, en réunion, ni plus ni moins qu'un rien. Non, moi, la c'est Baya, vivant condamné. Yeah, lui, mi bébé, en réunion. Ni plus ni moins, qu'à blac à out. Blac à moi-même, qu'à blac à nous-mêmes. Qu'à faire nous-mêmes, qu'à blac à nous-mêmes. Les souvenirs qu'on aime sur avec le groupe. Une première Bastère avec et Blackout, Thierry Goleris. Non mais ça c'était l'accent anglais. C'est l'anglais. Je connais Thierry quand même, je connais Bastère. Bon après, bon. C'est le matin, oui. Pardonne-moi c'est Thierry. Dur. Pardonne-moi bah, oui, Thierry. Comprend, mais peut-être Thierry. Que d'ailleurs en Angleterre on t'appelle Bastère. Bastère, oui. Tu crois? Bah oui c'est possible, bah, je pense. On ne doit pas l'appeler Bastère, parce que ça, c'est nous. Ouais. C'est nous, créoles, vas-y, qui appellent Bastère. Ouais, j'essaie de faire comme je peux ce matin. Bon, on va faire un tour de la planète, un peu comme on fait tous les vendredis. Et on va vous dire que dans cette planète, c'est complètement fou ce qui se passe. Oui. Nouvelle semaine qui s'achève, avec des infos un peu partout dans le monde. Complètement. Plus insolites les unes que les autres. Le tour, Isa. Mm-hmm. On démarre avec ce couple, pour qui le mariage, lui, a tourné au cauchemar complet. Ah oui, ouais, le cauchemar, l'histoire complètement dingue. Alors tout commence en fait au départ comme un conte de fées. Alors monsieur, lui, il a 68 ans, il a déjà eu plusieurs mariages, autant de mariages, d'échecs, de divorces, tout ça, enfin c'est la catastrophe. Ah oui, 68 et ans. Il décide de rencontrer l'amour grâce à Internet. Ce que font beaucoup de monde. À son annonce répond une jeune demoiselle de 24 ans qui, elle, est en quête du grand amour. Elle en a marre des aventures sans lendemain, cherche un homme mûr. Ah ben là, c'était mûr, donc hein. fait pour se rencontrer. À 68 ans, bien mûr. Ils se rencontrent, le coup de foudre est réciproque, l'amour est fou, les tourtereaux finissent rapidement par décider de se marier. Et évidemment, comme ils sont mariés, ils décident d'emménager dans une nouvelle maison pour c'est une beau. Nouvelle vie. C'est beau, c'est là, extraordinaire. C'est super, ouais. Et c'est là que tout y gâte, parce que pour le déménagement, la demoiselle, madame, va aider monsieur à déménager. Donc elle l'aide dans ses cartons, et puis elle voit un album photo souvenir, elle le feuillette évidemment. Bien sûr. Et là, que voit-elle? Sur l'une des photos avec son mari et son ancienne épouse, elle voit son père, enfant. Aïe. Eh oui. En fait, le monsieur qu'elle venait d'épouser, c'était son grand-père. Non. Et si. Ah oui, là, ça refroidit un peu. Catastrophe, évidemment, pour les deux tourtereaux. J'imagine. On ne sait pas encore comment cela va se terminer, le couple ayant déclaré que ce lien de parenté ne changeait pour l'instant rien à l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Sauf qu'évidemment, il est interdit pour un grand-père d'épouser sa petite complètement fille. Bah comment ça se fait qu'il ne le savait pas en fait? Mais il ne le savait pas pour la simple et bonne raison que lui avait eu des mariages avant, sauf que connaît l'a quitté, la perte le lien force, avec la madame, les enfants, il n'avait pas beaucoup voire aucun lien avec les enfants, il avait juste gardé quelques photos. Mmh. Sauf que elle sur ces photos, elle a reconnu son papa. Et quand il y a donné le nom, oh la galère. Voilà. Oh le pauvre monsieur, 68 ans, plusieurs mariages et encore un échec. Dur. Et puis pour la fille de 24 ans, elle aura le temps, à mon avis, de surmonter son chagrin. Enfin, quoique c'est dur, parce qu'après tu te dis que quand même t'es sorti avec ton grand-père. C'est ça. Heureusement, Isa, toutes les histoires d'amour finissent pas mal. Non, même les plus improbables, avec cette belle histoire qui unit deux bonnes sœurs qui s'aiment d'amour et qui ont choisi de se dire oui, ça se passe en Italie. Frédérica et Isabelle se sont rencontrées lors d'une mission en Afrique. Elles ont vite compris qu'il y avait entre elles beaucoup plus que de l'amitié et l'ampleur de cet amour hors norme, il faut le dire, a ému toute l'Italie, un pays qui bien sûr a suivi leur aventure, la publication de leur histoire jusqu'au départ évidemment, ils ont été obligés vous imaginez bien, de quitter l'ordre franciscain, mais j'imagine, elle sait. J'imagine, ouais, la voix du Sulu me dit ça aurait pu être un bon scénario pour un film interdit au moins de 18 ans. Oh, cette semaine, c'était la pas journée d'amour, vous êtes dégueulasse. C'est, bah tiens, justement, journée attention les animaux. On a découvert en Brésil une grosse bébête. Ah oui, un serpent de 10 mètres de long et pesant plus de 400 kilos, découvert par des ouvriers sur un chantier. Alors, une grue a été nécessaire pour déplacer l'animal. Tout le monde, évidemment, a partagé les photos de ce serpent sur Internet. Alors, le serpent, quand il a été découvert, était mort. Sauf que voilà, en ce moment, au Brésil, la polémique est en train d'enfler parce qu'on accuse, eh bien, en fait, les ouvriers, en fait, d'avoir tué le serpent afin de pouvoir prendre les photos et de les mettre sur Internet pour créer ça, le buzz. C'est quand même donc drôle. Ça, c'est pas cool. Ouais. On sait pas comment ça va se terminer, mais on va suivre ça. Il faut savoir qu'en Malaisie, il y a un autre serpent qui a été découvert au mois d'avril. 8 mètres, celui-là. Ah, quand même. Par contre, lui, il était déjà mort. Quoi, Isa? Ah ouais. C'est grand, hein. Ah, celui-là, fait 10 mètres, 400 kilos, le gars. Du bout du studio là-bas, à ce bout-là, quasiment, voilà, hein, même plus. 400 kilos. Et il faut savoir que celui qui est dans le Guinness des records du plus long et du plus gros serpent s'appelle Médusa. C'est une femelle de 7 mètres et demi qui vit en captivité au Kansas. Et t'as pas envie de te retrouver nez à nez avec ce genre de serpent. Alors, faites gaffe sur le chantier de la route du littoral. Parce qu'apparemment, ils trouvent des grosses bébêtes comme ça que sur les chantiers, tu vois. Normalement, 7-8 mètres, ça devrait aller. Enfin, à La Réunion, on a des petites couleuvres là. Mais j'espère. Enfin, des petites couleuvres, déjà, c'est bien pas dégueu, drôle. Hein. Ouais. Effectivement, Joan Osborne. Aïe, aïe, aïe. One of us. Sur première. Bon réveil. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Envie de l'écouter en boucle. Le matin comme ça, au réveil, c'est vendredi 7 octobre, on est à quelques heures des vacances. Belle journée malgré la pluie, c'était Joan Osborne. Faut faire avec 5h30 sur la première. Le journal est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Stop à la violence, le ras-le-bol des professeurs de lycée professionnels. Ils ont débrayé hier des agressions d'enseignants par des élèves, un climat tendu dans les établissements. Ils n'en veulent plus. Hier, une délégation du lycée professionnel Horizon a rencontré le recteur. Reportage dans ce journal. 4 ans de prison ferme pour l'importateur de la drogue du cannibale. En tout, 10 personnes ont été condamnées hier à Saint-Pierre. Elles étaient impliquées dans ce trafic démantelé à la fin de l'année dernière. L'armée de l'air recrute 10% en plus cette année que les années passées. De nombreux métiers sont à découvrir. Explication dans ce journal. Et puis les assureurs face au terrorisme, au blanchiment d'argent et à la fraude. Ils étaient en formation hier pour mieux repérer et traiter les dossiers suspects. Ils veulent maintenir la pression pour que les agressions qu'ils ont subies ne soient pas vite oubliées. Les professeurs et personnels de lycées professionnels étaient appelés à cesser le travail hier durant une heure. La semaine dernière, deux professeurs du lycée professionnel Jean Inglot au Port avaient été frappés par un élève, alors que les enseignants du lycée Roche-Maigre à Saint-Louis se plaignaient, eux, d'être victimes de violences verbales et physiques depuis la rentrée. Le mouvement d'hier a été suivi à 97% selon l'Académie de la Réunion. Le personnel du lycée professionnel L'Horizon au Moufia s'est même rendu devant le rectorat et une délégation a été reçue par le recteur Velayudom Marimoutou. Priscilla Etève. Depuis le début de l'année, les professeurs du lycée professionnel L'Horizon n'ont pas eu à déplorer de violences physiques, mais les incivilités, par contre, rythment leur quotidien. Jean-Paul Pakiri, enseignant et délégué syndical de Force ouvrière, s'attend toujours au pire. Ça ne m'étonne pas que dans les semaines qui viennent, que cette violence, même si elle s'estompe un peu avec les vacances, elle va revenir, parce qu'il y a trop de problèmes sociétaux qui touchent les élèves. Les plus terribles pour Taslim Daoud Dodat, professeur de lettres anglais, ce sont les secondes. On a parfois des échanges entre les élèves qui peuvent manquer de respect. Personnellement, je n'ai pas eu à faire face directement, mais j'ai pu assister dans la cour ou d'autres collègues où j'ai entendu des anecdotes. C'est sûr que c'est pas facile à gérer. Il y a beaucoup de disciplines à mettre en place, puisque c'est un public qui est très jeune, qui manque de maturité et qui a besoin d'être accompagné. Et surtout, d'être mieux orienté dès leur arrivée au lycée, insiste Jean-Paul Pakiri. On a pas mal d'élèves qui ne connaissent pas les sections, donc ils viennent là parce qu'on les a incités à venir, mais ils n'ont pas le niveau. Ce qu'il faut, c'est mettre plus de CAP. Et lorsque ces élèves sont prêts, à ce moment-là, ils partent en bac pro. Les enseignants ont fait part de leur doléance au recteur, mais au bout d'une demi-heure de discussion, aucune solution n'a été trouvée pour améliorer leurs conditions de travail. Priscilla Etève. De la prison ferme pour l'importateur de la drogue dite du cannibale. Hier, deux des principaux acteurs du réseau démantelé en décembre dernier étaient jugés à Saint-Pierre. L'importateur donc qui avait fait venir la drogue de Chine en la commandant sur Internet a été condamné à 4 ans de prison ferme et à 25 000 euros d'amende. Quant à celui qui organisait la revente, il a été condamné à 30 mois de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Et selon son avocat Jean-Claude Duleroy, il ne devrait pas faire appel. J'estime par rapport aux faits qui étaient reprochés à mon client que c'est une peine équilibrée, juste. C'est-à-dire que c'est une peine qui comporte la partie donc sanction pour les actes qu'il a fait, puis qui laisse tout de suite la possibilité de pouvoir s'en sortir et de garder espoir pour pouvoir se réinsérer. Donc c'est une peine, je ne pense pas qu'on nous attache trop un peine de cette décision qui est parfaitement équilibrée. Maître Jean-Claude Duleroy répondait à Sophie Persson. En tout, 10 personnes ont été condamnées hier, les deux principaux acteurs du réseau, donc, mais aussi des consommateurs qui ont tous plus ou moins vendu des doses. Les peines vont de 6 mois avec sursis jusqu'à 18 mois, dont 8 mois avec sursis. La plupart des prévenus ont aussi été condamnés à des amendes. Le procureur avait demandé un exemple pour mettre un terme à ce genre de trafic. C'était le premier procès du genre à La Réunion. En bref, le Dash 8 est arrivé hier soir dans l'île. L'avion bombardier d'eau sera positionné à l'aéroport de Pierrefonds jusqu'à fin décembre, fin de la saison des feux de forêt. Aujourd'hui, la préfecture présentera le plan de lutte contre ces incendies, un plan spécifique relancé à cette période depuis plusieurs années. Reportage dans notre édition de 8 heures. L'armée de l'air recrute, elle prévoit d'enrôler 2600 jeunes l'an prochain. C'est 10% de plus qu'en 2015. Pas moins de 50 métiers sont proposés, tous niveaux confondus. Ces recrutements ont lieu dans toute la France, y compris chez nous. Et l'on sait que l'armée séduit beaucoup de jeunes réunionnais. Le département est souvent arrivé en tête des recrutements. Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez rencontrer les conseillers du CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées de Saint-Denis, l'adjudant Didier, chef du bureau R du CIRFA de La Réunion. Quel que soit le niveau, on va leur apprendre un métier. Nous les recrutons, nous les formons, leur donner envie de découvrir des expériences toutes nouvelles qu'ils ne découvriront pas ailleurs. En France, à l'étranger, nous intervenons partout dans le monde. C'est une expérience de vie particulière, très enrichissante. Il faut qu'ils viennent nous voir. Ils vont voir tout de suite qu'on a des choses extrêmement intéressantes à leur proposer. Et le personnel de l'armée de l'air, c'est un ensemble de gens passionnés. On arrivera à leur insuffler notre savoir-être et la fibre de l'aéronautique. L'adjudant Didier, chef du bureau R du CIRFA de La Réunion, interrogé par Antoine Garnier. Plus d'infos sur le site r-toute-une-armée-tout-accroché.fr. Encore des changements dans les bus. Cette fois, c'est le réseau Car Ouest qui modifie ses horaires et ses lignes. Ces changements touchent les 5 communes de l'Ouest, aussi bien sur le littoral que dans les hauts. On arrive à la fin de la première semaine après le lancement des modifications. Lilian Rayac est consultant pour la concertation et la médiation pour le réseau Car Ouest. Les modifications, c'est une modification d'horaire. Vous avez par exemple l'ancienne littorale, les deux lignes littorales 1 et 2 qui ont fusionné et qu'on appelle aujourd'hui le grand littoral, avec une amplitude beaucoup plus fluide et des capacités en place et de confort beaucoup plus importantes qu'il y a 3 jours. Alors pourquoi ces modifications ? Le CEO a toujours eu le souci d'améliorer l'offre de transport sur son territoire. Alors naturellement l'offre de transport, c'est surtout en termes de fréquence et en termes de capacité, mais aussi améliorer l'offre de transport dans les hauts. Voilà. Lilian Rayac au micro de Delphine Poudroux. Des réajustements sont prévus en fonction des réclamations des usagers et le TCO vous invite à formuler vos réclamations, notamment sur Internet. 5h37 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Et on passe à cette formation à l'intitulé très sérieux. Il touche un sujet très sensible. Les assureurs face au défi du financement du terrorisme, de la fraude, et du blanchiment de capitaux. Près de 80 employés des sociétés d'assurance ont écouté avec attention les recommandations de spécialistes. Parmi les intervenants, le commandant de police Fabrice Chevalier, adjoint à la sécurité départementale. En tant qu'ancien responsable de la brigade financière, le commandant témoignait que la Réunion n'était pas épargnée par les phénomènes de blanchiment d'argent. Et ce n'est pas sans conséquence pour les compagnies d'assurance. Elles peuvent être sanctionnées administrativement par l'autorité de contrôle prudentiel pour leur manque de vigilance. La brigade financière peut aussi répliquer dans le domaine du pénal. On écoute Fabrice Chevalier. Tous les acteurs, que ce soit les assureurs, les banquiers, les sociétés, doivent faire partie des lanceurs d'alerte. Nous sommes à la finalité des procédures, c'est-à-dire qu'on récupère des procédures, soit par des déclarations Tracfin, soit par des enquêtes qui sont confiées par le procureur de la République ou des juges d'instruction. Et le but, c'est de permettre aujourd'hui que les assureurs soient en mesure de détecter des anomalies qu'ils ont dans les dossiers, de manière à pouvoir alimenter plus rapidement et plus efficacement la lutte contre le blanchiment. Le commandant de police Fabrice Chevalier, adjoint à la Sûreté départementale, répondait à Johan Adama Dorassi. Claude Onesta est à La Réunion. C'est l'entraîneur et sélectionneur le plus titré du sport français. Après saison de règne, il a choisi d'être manager général de l'équipe de France de handball, de libérer le terrain au profit du duo Didier Dinard et Guillaume Gilles. Et il dresse un bilan très positif de ses recrues réunionnaises, de Jackson Richardson à Daniel Narcisse. On écoute Claude Onesta. La Réunion a déjà produit des joueurs exceptionnels pour l'équipe de France et qui ont fait partie des meilleurs joueurs du monde. Plus précisément, si je m'attache à Daniel qui est encore là, on n'est pas élu meilleur joueur du monde pour rien. On n'est pas le joueur qu'il est avec l'influence qu'il a sur le terrain pour rien. Donc c'est et un joueur qui est devenu un des meilleurs joueurs de la planète. Hein. Et aussi un individu charmant, avec qui il est facile de vivre, qui par moments respire bien, la terre de ses origines, avec une forme de tranquillité, une espèce de distance avec les événements, une sagesse aussi. Claude Onesta en visite à La Réunion au micro de Delphine Poudroux. C'est fini. Merci Cécile. Merci Cécile. À tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure. Bien sûr, vous allez revenir. Pour le moment, il est 5h41. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Bon allez, encore une journée bien maf, un vent au week-end, meilleur. Ouais, on va déjà s'accrocher un peu aujourd'hui avec un ciel gris, donc accompagné d'averses sur une majeure partie du département. Alors surtout sur la partie nord, entre le port, en passant par Saint-Denis et Sainte-Rose, les cirques de Mafate et de Salazie, les plaines et le volcan seront concernés. Puis alors plus vous allez vers l'ouest et le sud-ouest, vers Saint-Pierre, vers Saint-Gilles, ou encore dans le cirque de Sillaos, plus vous allez avoir quand même des éclaircies. Alors surtout sur la côte que dans l'intérieur de l'île, mais cet après-midi, tout le monde monde sera logé à la même enseigne. Même dans le sud, le nord retrouvera des éclaircies en cours d'après-midi, signe d'une amélioration qui va se dessiner pour la journée de demain et tout le week-end. Toujours un vent de nord soutenu sur l'ouest, il a bien soufflé hier, il soufflera encore aujourd'hui, et dans l'est à un degré moindre, notamment sur Sainte-Rose et sur les hauteurs exposées comme le Maïdo ou encore la plaine des Cafres, températures qui seront en baisse sous les nuages, mais vous ne le ressentirez pas vraiment puisque l'atmosphère est plutôt lourde sur le département avec ce vent de nord. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et ce matin, on vous offre des cadeaux, c'était promis, avec ce festival Les Marionnettes qui démarre mardi prochain. Parfait pour les vacances, Miguel. À gagner avant 6h, juste après Grain de Semé. Petit mari qui rêve, il rêve la Réunion. Petit mari qui rêve, lissant d'un béton. Petit mari qui rêve, il rêve la Réunion. Petit mari qui rêve, lissant d'un béton. Petit mari qui rêve, ni décane la Dian, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un guéant. Ti mari qui rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, maloya descend. Ti mari qui rêve, il rêve la Réunion. Ti mari qui rêve, il saute dans le béton. Ti mari qui rêve, il rêve la Réunion. Ti mari qui rêve, il saute dans le béton. Ti mari qui rêve, ni décane la Théan. Pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, même sans samaï, pour nous guémoiser, au lexique nous dé, sans sa fin de l'engrais. Ti mari qui lève, là au bras pondou, ti mari qui lève, au son is animaux. Ti mari qui lève, là au bras pondou, ti mari qui lève, au son is animaux. Hop, les bouliers, c'est lui. Pour qu'il son carreau, ti piments oiseaux, ti mari qu'il aime, même si les gars pris, même si le soleil là, pour fatigali, ti mari qui rêve, il rêve la Réunion, ti mari qui rêve, l'y saute d'un béton, ti mari qui rêve, il rêve la Réunion, ti mari qui rêve, l'y saute d'un béton. Tu mari qui rêve, il rêve la Réunion. Tu mari qui rêve, il saute dans le béton. Tu mari qui rêve, il rêve la Réunion. Tu mari qui rêve, il saute dans le béton. Il saute, il saute. Ah, il rêve la J'adore ce titre, Grain de Semé, avec Petit Maric sur première, de quoi bien nous réveiller ce matin. N'est-ce pas ? Pour cette journée du vendredi 7 octobre, si on filait sur le marché la pluie. Ouais, le marché la pluie, bah, il pleut. D'accord, on est dans l'Est, mais quand même. Il pleut sur le marché de Prisca. Mais bon, il y a plein de fruits et légumes qui redonnent un peu de soleil. Heureusement. Allez, on y va. Aïe, aïe, aïe. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascareigne. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Zatiam devinette? Devinez. Que ça, les gratuites. Les zones 5 à couvert de VA et Asperazone dans notre pharmacie, ils ne peuvent pas s'en passer, citant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, que ça, il est? Ben oui, si le petit bac ou ancien pour traiter ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans votre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, outri et ni ramasse. CarWest informe ses usagers que son réseau de lignes régulières évolue. Pour toute information, www.carwest.re ou le numéro Azure 0810 45 65 20. La région Réunion lance le Pop Nouvelle Génération. Let's go ! Le Pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon pop 2? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Envie de booster votre carrière? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Première. Allez, quel que soit le temps, il faut faire son marché forain Prisca et déjà sur place à Saint-André. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Enfin, il faut faire. En tout cas, elle nous donne envie de le faire, Prisca. Bah ça, c'est sûr. Si tu n'as pas envie, tu n'as plus envie, hein, je vais te dire. J'ai pas peur de la pluie. Il dépend. Marcher la pluie, oui. Il faut pas regarder la pluie. Il faut pas regarder le temps. C'est ça. Prendre son porte-monnaie, son parapluie et venir au marché de Saint-André. Mais en tout cas, les Saint-André 1 et Saint-André N n'ont pas peur de la pluie parce que ils sont déjà nombreux et nombreux dans les allées du marché. N'est-ce pas, Ringa? Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut, bonjour, Ringa. De toute façon, la pluie, c'est que du bien pour nous ici dans l'Est. Ah bah oui. Ça fait partie du patrimoine de Saint-André, en fait, la pluie. Eh oui. De toute façon, quand il y a deux, trois semaines, il n'y a pas de pluie, pour nous, c'est... C'est bizarre. Fait, hein. C'est bizarre. Eh bien, tout sont là pour faire, là, grand matin. Grand matin, mais t'en prie, un peu d'haricots. À cause de ça. Parce que ça, c'est mon petit carré pour midi. Faut m'y penser, à moins avant de penser aux autres, hein, évidemment. Avant l'arrivée des clients, vous vous occupez. Ben oui, voilà, le temps, les clients, ils se lèvent, ils arrivent. Ben, moi, je fais toujours, prépare toujours mon petit carré midi. Et il y a eu une grosse polémique jeudi, parce que vous savez, on a posté un film sur la page de Facebook de Réunion Première, parce que Ringa avait ramené des bichics secs sur le marché. Mmh. Donc les bichics secs, normalement, le prix, c'est 200 euros le kilo, c'est ça? Ben oui, bichics secs, c'est 200 minimum. Mais où la pas vendre 200 euros le kilo? Non, moi, je vendais au... J'avais pas beaucoup, j'avais un kilo. Ouais. Donc vous la vendez à la barquette? À la barquette de 5 euros, voilà. Et tout le monde l'a acheté? Ben la pluie. Qui même, d'après tout. Alors, tout le monde est vivant et tout le monde a bien apprécié, voilà, donc pas de polémique. pour rien. Pourquoi polémiquer? Parce qu'on aime bien, apparemment. Ah bon, ben j'aime bien, ben vas-y. Ben, et la diable, la langue, la poêle, le zoom, hein, bah oui, c'est ça, c'est ça. Laisse causer. Laisse causer, oui. La plus bichique à 200 euros. Voilà. Et c'est vrai que nous l'avons vu aussi bichique frais sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Ouais. Et Néna, la grand matin, sur Saint-André, bichique, frais? Non, mais pense pas. La pointe. Bon, là aussi, on va rectifier, ça ne se vendait pas, mais c'était pour une tombola. Hein. Voilà. Vous l'achetez le ticket où, Ringa? Oui, bah oui, mais fait travailler un peu tout le monde. Et moi aussi, j'ai acheté un ticket, mais j'avais pas le bon numéro. Ah là là. Ben, comme moi, d'habitude. C'est toujours les mêmes, apparemment, ils gagnent. C'est ça, Ringa. Ça, c'est une polémique. Allez, oui. Ringa, il dénonce. Ah ben oui, Bon, il reste encore quelques temps d'or, les amis, hein, pour ceux parfait. Qui aiment les agrumes. Ouais. Ça reste toujours à 1 euro le kilo, même si ce sont les derniers. Les derniers, oui, mais même si c'est les derniers, moi, c'est pas une obligation de monter le prix. Hein. Mais c'est bon, moi. Je garde toujours mon habitude. Le jus est bon. Le jus est bon. Ah oui, le jus de Tangor est excellent. Bon. Et le kilo de Tangor, il coûte le même prix que le kilo de tomates. Et puis, prends votre parapluie, puisque dans un instant, on continue la visite du marché forain de Saint-André. Bah oui. Et bon courage, et oublie la polémique, ça sert à rien. Laisse causer les gens, hein, monsieur. Allez, à plus tard. Allez, à plus tard. À toutes. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et c'est le moment de jouer au mixeur. Oui, DJ Fou est enfin arrivé. Jungle. Première. est faux. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Des titres, des artistes, il va falloir trouver le titre ou l'artiste. Et qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui? Eh bien, on change le cadeau, tiens. Oui, parce que ça va être bientôt les vacances. Ouais. On sait que pendant 15 jours, il va falloir sortir les enfants, tout ça. Et les enfants, vous savez quoi? Ils aiment beaucoup les spectacles, notamment les spectacles de marionnettes. Ça tombe bien, on vous offre des passes. Et il n'y en a pas qu'un. Il y en a une flopée, Strapantin. Festival de marionnettes jusqu'au 20 octobre prochain, ça se passe au théâtre Les Bambous. C'est ça. Et c'est pour le plus grand plaisir des petits et même des grands. D'ailleurs, oui, bien sûr. Et ce festival des enfants. Marionnettes, voilà. Comment le gagner? On appelle le 02 62 99 2000. Maintenant, maintenant ou jamais, en fait. Un titre, un artiste, à vous de choisir ce que vous donnez, parce que c'est possible avec les deux. C'est voilà. Ça. DJ Fou, j'espère que t'as fait facile, c'est vendredi aujourd'hui. Simple, hein. Simple, très simple. Allez, on écoute. On écoute, allez. Ah oui. Facile, une grande voix de la chanson internationale. Ah. Il a des lunettes. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal comme indice. Elle a aussi facile. Elle faisait partie de ce groupe Beyoncé, notamment à l'époque. Un titre qui a déjà quelques années, hein. Il y a un peu de poussière dessus. Il y a un peu de poussière dessus. Allez, alors, on prend le premier appel au standard, c'est parti. Bonjour à vous. Et on dit bonjour à... C'est qui? On dit bonjour à qui d'ailleurs? Bonjour. Allô, allô. Bonjour. Bonjour monsieur, comment vous appelez? C'est qui au bout du fil? Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard, de quelle ville Bernard? Plein de Caves. Plein de Caves, Bernard. Comment il est le ciel, la plein de Caves? Là, le temps est couvert, les gris-gris. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, il est pas bon, mais enfin, on va essayer de redonner le sourire, parce que c'est la journée mondiale du sourire aujourd'hui. C'est ça. Allez, Bernard. Vous l'avez reconnu, le bon artiste, le bonne chanson? Je crois que c'est Elton John. Oui, Elton John. Et puis le deuxième? Pardon? Ah, le deuxième m'a pas trop écouté. Ah, le deuxième. Il écoute que le premier, le deuxième, il est pas là avec ça. Il a pas écouté, alors juste un indice. Enfin, non, l'animateur et l'animatrice. Bah, c'est bien, Bernard. On va le jouer autrement. On va le jouer autrement. Comment on dit? Comment on dit? Dis mon nom en anglais. Dis mon nom. My name? Oui, mais dire. Et dire, comment on dit dire? Tout, tout. Dire tout, ouais, dire en anglais. Tout, tout. Commence par un S. Ouais, tout. Do, do. Ouais, we do. Oui, okay. Do. Why you do? Do my name. Why you oui, do, do my name. Do my name. Do my name. Ça, c'est l'anglo-créole, ça. Bah oui, do my name. Do c'est my bien, name. Do my name. Do my name. Bon, allez, aujourd'hui, c'est vendredi. Allez, pas, là. C'est vendredi, tout est permis, on vous l'offre. En fait, c'était Say My Name, Destiny Child. Bon, mais c'est gagné. Pareil, allez, do my Bernard. Name. Bon, félicitations, Bernard. Comment il est le temps, c'est Nirba? Pas beau. Mais pas mieux que la plaine des Caves. Pas beau. Bon, Bernard, nous offre ou de bonnes cadeaux. Ce sera des passes pour Amène Marmaille, voir un spectacle de marionnettes au théâtre des Bambous jusqu'à le 20 octobre, jusqu'à la fin des vacances. C'est bon? Super. Bisous, mon Bernard. Et bien de rien, Bernard, la plaine des Caves, c'était la première fois qu'il nous appelait, Bernard. Tout à fait, tout à fait. Et bien, bienvenue, à bientôt. Bernard. Salut. Allez, à bientôt. Bientôt. Allez, bye. NOMAO aussi, hein, bien sûr, forcément. 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Técher Jean-Louis. Monsieur Técher Jean-Louis dit Pousset, le décès survenu mercredi à l'âge de 37 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez sa maman, Técher Pierrette, 14, lotissement Tommy, à Bras-Fusil à Saint-Benoît, aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en la chapelle de Bras-Fusil à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Madame N. Némonide, née Mickaël Marie Nicole. Madame M. Némonide, née Mickaël Marie Nicole, décès survenu hier à l'âge de 73 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 26, lotissement Combava à Plateau Caillou à Saint-Paul. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Posé Christophe Léon. Le décès est survenu hier à l'âge de 88 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 3 lotissement Mogalia, chemin Lagourgue à Saint-André. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Payette Joseph Ginot. Monsieur Payette Joseph Ginot, le décès est survenu hier à l'âge de 71 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de la Plaine des Cafres. Il était domicilié au 49 chemin des Roches, route du Piton Hyacinthe à la Plaine des Cafres. La bénédiction aura lieu à 10h aujourd'hui à la chapelle ardente de la Plaine des Cafres, suivie de l'inhumation au cimetière de la Plaine des Cafres. décès de Monsieur Potin, Jean Scolastien, dit Colas. Monsieur Potin, Jean Scolastien, dit Colas, le décès survenu mercredi à l'âge de 67 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 5, chemin Canal, PK20, la plaine des Cafres aujourd'hui à 8h30. La bénédiction aura lieu à 9h en l'église Sainte-Thérèse à la plaine des Cafres. Décès de Monsieur Mariaille Maurice. Monsieur Mariaille Maurice, le décès survenu hier à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira du 202 chemin Dolphin à Bras des Chevrettes à Saint-André. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Mansiol à Bras des Chevrettes à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière paysager de Chamborne. Décès de Madame Gigant, Rita Lucille. Madame Gigant, Rita Lucille, le décès survenu lundi à l'âge de 87 ans. La veillée se tient au centre funéraire de la ligne Paradis. La bénédiction aura lieu en la chapelle du centre funéraire, aujourd'hui à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Madame Armino Ernestine. Madame Armino Ernestine, dite Tina. Le décès survenu dimanche à l'âge de 76 ans. La veillée a lieu au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en la chapelle du centre funéraire de Prima, suivie de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Madame Séry, née Javary, Marie Rita. Madame Séry, née Javary, Marie Rita. Le décès survenu mercredi à l'âge de 104 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 54 cité Satec au Butor à Saint-Benoît. Aujourd'hui à 9h, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 9h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Brapanon. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Des infos pratiques, Mika. Ouais, deux infos très rapidement avec le schéma de cohérence territoriale de Scott-Ouest qui est en pleine révision. Il y a une enquête publique sur la révision. Rendez-vous sur www.tco.re ou sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre. Et puis en raison de la fermeture de la route du littoral ce dimanche de 6h30 à 12h30, des navettes seront mises en place par le CD41 route de la montagne entre Saint-Denis et le port au départ de la gare routière de Saint-Denis vers le pôle d'échange du port à 7h, 8h, 9h, 10h30, 11h30 et 13h. Et au départ du pôle d'échange du port vers la gare routière de Saint-Denis à 7h, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 et 13h. À 6h, toute la formation de avec ce Florent Marot. Vendredi 7 octobre. D'ici là, Louise attaque. Anomalie. Ne bougez pas. Bon réveil. Choisi d'être seul ici, pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Suis-je un humain sans futur, un matériau à autour d'usure. J'ai pas voulu, pourtant c'est ainsi. J'ai pas choisi d'être seul ici. Bisous à Françoise, juste pour vous dire qu'avec vous, la journée du sourire, c'est tous les jours. Oh, merci, oh, ma chérie. Oh là là là là, Françoise. Elle est gentille ou elle a envie de participer au tirage au sort, ouais, pour aller à l'hôtel. Possible le aussi. Je sais pas si là, ça va en biter. Allez, on va dire qu'elle nous aime et qu'on l'aime aussi. Bah oui, et peut-être raison, que le week-end en 3 étoiles, ça sera pour elle. On l'espère. Avant 8h. Jamais. Il est 6h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est un casse-tête pour les usagers. Le réseau Car West change ses horaires et ses lignes de bus. Objectif, proposer des trajets plus directs. Il faut donc changer ses habitudes et ça demande un temps d'adaptation. Delphine Poudroux s'est allée à la rencontre des usagers. Le Dash 8 est arrivé dans l'île. L'avion Bombardier d'eau sera positionné à Pierrefonds durant toute la saison des feux de forêt du 15 septembre au 15 décembre. L'an dernier, 262 départs de feu ont été enregistrés. Près de 200 hectares sont partis en fumée. Et puis en sport, on entendra tout à l'heure l'entraîneur et sélectionneur le plus titré du sport français, Claude Onesta, est à La Réunion en ce moment. Il a été invité par l'ADIR, même si on a beaucoup parlé handball depuis son arrivée. Ce sera à la fin de cette édition. Direction l'ouest de l'île pour démarrer ce journal. L'ouest où le réseau de bus évolue. Le TCO a décidé de changer les horaires et les lignes, notamment à la Saline Léo. Les premières modifications ont démarré cette semaine. Le TCO veut proposer des trajets plus directs. Problème, cela implique un changement dans les habitudes. Delphine Poudroux s'est allée à la rencontre des usagers à Saint-Paul. C'est une première pour Eglantine et Alex. Aujourd'hui, ils testent la grande ligne littorale qui remplace les lignes bus LT1 et LT2 du réseau Car West. Je pense que c'est mieux, vu que c'est sur une seule ligne. Mais après, on verra. Je trouve ça bien, oui, c'est bien. Après, c'est direct. On n'est pas obligé de patienter pour attendre le prochain bus, en fait. Vous allez gagner du temps ? Oui, je pense, oui. En fait, Car West a voulu un trajet plus direct, comme l'explique Lino Réac, consultant pour le réseau. C'est-à-dire que les gens de la possession, ils peuvent aller jusqu'à Saint-Leu, dans le même bus, sans faire de correspondance. Et ça, c'est quand même un atout, quand même au niveau confort, au niveau temps, très appréciable par les usagers. Pour autant, comme tout changement, il faut un petit temps d'adaptation. Barbara est chargée d'informer les voyageurs. Au début, les gens étaient un peu paniqués à savoir si les arrêts étaient supprimés, tout ça, d'autres horaires, adaptation aussi au niveau de leur boulot. Donc il y a des changements qui ont été un peu compliqués, mais on trouve toujours des solutions. Aussi, dans un souci de proposer un service de qualité et éviter trop de mécontents, Car West propose à ses usagers de tester les lignes et surtout de donner leur avis sur Internet ou via un numéro Azure. Et ce numéro Azure est le 0810 45 65 20. Il faisait venir la drogue de Chine. Un homme a été condamné hier à 4 ans de prison pour avoir fait entrer dans l'île la drogue du cannibale, une drogue de synthèse. La dose se vendait près de 200 euros. L'importateur passait commande sur Internet. Un complice se chargeait de la revente. Le trafic a duré quelques mois entre juin et décembre dernier. Principal accusé, celui qui faisait entrer la marchandise, écope de 4 ans de prison ferme et 25 000 euros d'amende. Le principal revendeur a lui été condamné à 30 mois de prison ferme et à 15 000 euros d'amende. Un terroriste abattu, un scoutériste arrêté, deux scénarios pour deux exercices grandeur nature hier au collège de Cambuston à Saint-André. Les forces de l'ordre étaient dans l'établissement à l'occasion des rencontres de la sécurité. Les élèves ont pu observer le rôle de la police mais aussi s'informer sur les dangers d'Internet, notamment une opération pour sensibiliser les jeunes, même si l'établissement ne connaît pas de réelles difficultés. Jean-François Fontaine est le principal du collège de Cambuston. Nous n'avons pas de soucis de violence extrême, hein, comme on peut connaître dans les banlieues. Non, nous sommes plutôt dans un contexte où les enfants ont besoin surtout d'être accompagnés dans leur apprentissage. Il était bon qu'on fasse cet exercice pour qu'ils comprennent, toujours dans ce souci d'apprendre de l'apprentissage, qu'ils comprennent que tout ça participe à l'éducation à la citoyenneté, que chaque citoyen, nous avons tous un rôle à jouer dans la société. Et c'est vrai, pour nous, c'est important qu'ils comprennent cela. Vous voyez, et puis en même temps, bien sûr, nous avons, nous, à construire un parcours à venir, c'est-à-dire l'éducation à l'orientation, si vous voulez. Et c'était nécessaire qu'ils puissent ainsi se projeter aussi sur des métiers, de la sécurité par exemple. Et là pour nous c'était aussi un enjeu important. Vous voyez, donc on a essayé de mixer, je dirais, à la fois l'enjeu de la sécurité de l'établissement et l'éducation à l'orientation pour nos jeunes. Jean-François Fontaine, principal du collège de Cambuston, micro-réunion première de Patrick Ramoudou. Ses quatrièmes rencontres de la sécurité se terminent demain. Ça se passe au Tampon, à Sainte-Marie et à l'étang Salé. Lui aussi est là pour notre sécurité. Le Dash 8 est arrivé hier dans l'île. L'avion Bombardier d'eau sera positionné à Pierrefonds durant toute la saison des feux de forêt du 15 septembre au 15 décembre. Comme chaque année, un plan de lutte spécifique a été mis en place. L'an dernier, 262 départs de feu ont été enregistrés. Près de 200 hectares sont partis en fumée. 6h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Ils se sont quasiment tous arrêtés de travailler. 97% des professeurs des lycées professionnels ont débrayé pendant une heure hier. Ils protestaient contre les violences de plus en plus fréquentes dans les établissements. Pour se faire entendre, les enseignants du lycée de l'Horizon au Moufia se sont rendus hier devant le rectorat. Le personnel du CHU est lui en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Les deux sites Saint-Denis et Saint-Pierre sont concernés. Les salariés ont fait part de nombreuses revendications, notamment l'accompagnement financier de l'État et le respect du projet social 2016-2018. L'emploi, toujours avec cette convention de partenariat signée hier entre la direction territoriale sud de Pôle emploi et la Fédération des particuliers employeurs. Une signature qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'emploi à domicile. Objectif, évidemment, plus de travail. Mais pour cela, il faut aussi répondre aux besoins des particuliers employeurs car le secteur est en plein essor. Notre île est même en avance par rapport aux autres départements d'outre-mer. Yann Pollard est le directeur territorial sud de Pôle emploi Réunion. Bien souvent, les trois métiers que recouvre le service à la personne auprès des particuliers employeurs, on a un axe important qui est autour de la dépendance avec les métiers d'assistant de vie et dépendance. Et bien souvent, il y a là une intervention de structures mandataires, mais pas que, et un appui d'autres structures et collectivités grâce à l'APA. Et ensuite, il y a les employés familiaux. Et enfin, donc un métier aussi qui relève du secteur et de la filière des particuliers employeurs, qui est celui de l'assistante maternelle. Donc il y a aujourd'hui 16 000 personnes qui travaillent et qui sont rémunérées de leur activité professionnelle autour de ces trois métiers donc à La Réunion. Yann Pollard, directeur territorial sud Pôle emploi Réunion, interrogé par Priscilla Etève. Et puisque l'on parle emploi, l'armée de l'air recrute. Elle prévoit d'enrôler 2600 jeunes l'an prochain. 50 métiers seront proposés. Plus de renseignements sur le site internet r-toutunearmée.fr. On passe au sport avec un grand champion. Claude Onesta est à La Réunion en ce moment. Officiellement, rien à voir avec le handball, mais avec celui qui est resté 16 ans sélectionneur de l'équipe de France. Le sport n'est jamais très loin. Aujourd'hui, Claude Onesta a choisi d'être manager général. Didier Dinard a pris la suite à la tête de l'équipe de France. Claude Onesta qui dresse de son côté un bilan très positif de ses recrues réunionnaises, de Jackson Richardson à Daniel Narcisse. C'est une terre de handball et il est évident que qu'on y vienne, nous, gens de la fédération, régulièrement pour y participer, mais aussi pour échanger avec les locaux, pour voir comment améliorer les structures de travail. Je sais qu'en ce moment, j'ai deux collègues entraîneurs nationaux qui sont ici pour travailler avec la filière masculine, le pôle. Je sais qu'il y en a deux qui arrivent la semaine prochaine pour la formation des cadres. Donc voilà, c'est quand même une île sur laquelle on vient très souvent, justement pour participer à l'éclosion et au bon fonctionnement et au bon développement du handball à La Réunion. Claude Onesta au micro Réunion Première de Delphine Poudroux. Le tampon va vivre à partir d'aujourd'hui au rythme des florilèges. Pour cette 33e édition, la mairie a décidé de rajeunir le parc Jean de Cambière. Florilège, c'est jusqu'au 16 octobre. La mairie qui a invité cette année Calogero et Rock Voisine. Un dernier mot pour vous parler de cette enquête participative pour les 18-34 ans. C'est Génération Watt, une opération France Télévisions. L'enquête démarre aujourd'hui. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Benjamin Morel, directeur d'antenne télé à Réunion Première. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info et Fanny Bouvard. On reparle ce matin de l'ouragan Matthew. Haïti meurtri après le passage de l'ouragan Matthew, où le décompte des autorités ne finit pas de grimper. Au moins 264 personnes ont été tuées, mais la zone frappée le plus violemment par l'ouragan au sud du pays reste particulièrement difficile d'accès. Des convois humanitaires sont dépêchés sur place. La France envoie notamment deux hélicoptères pour des missions de secours. L'ouragan Matthew qui vient de quitter les Bahamas s'effonce droit sur la côte est des États-Unis. Il se renforce et devrait atteindre la Floride dans les prochaines heures. Sur place, plus de 2 millions d'Américains ont été sommés d'évacuer le littoral. Les aéroports sont fermés et la garde nationale et la sécurité civile sont sur le pont. Sauver Alep de la destruction, c'est l'objectif d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, réclamée par la Russie et prévue dans la journée. L'ONU craint la destruction totale des quartiers rebelles d'Alep d'ici la fin de l'année si l'offensive du régime de Bachar el-Assad se poursuit. En France, Nicolas Sarkozy dans le visage 10h d'Alain Juppé, invité de l'émission politique sur France 2 ce jeudi. Le maire de Bordeaux a jugé qu'il y avait panique à bord dans le camp de son rival. À l'inverse, il dit sentir l'adhésion autour de lui. À 6 semaines de la primaire à droite, il est toujours le favori des sondages. Alain Juppé qui a même assuré qu'il se rangerait derrière Nicolas Sarkozy si ce dernier l'emportait. À condition, dit-il, que le vote soit honnête, il faut rester vigilant, a-t-il précisé. Soirée tendue en Corse à Corté, de jeunes nationalistes s'en sont pris aux forces de l'ordre alors qu'ils manifestaient contre les condamnations de 3 de leurs camarades pour un attentat perpétré en 2012 contre la sous-préfecture. Personne n'a été blessé, le calme est revenu rapidement. D'ailleurs, des rassemblements de soutien à Ajaccio et à Bastia se sont déroulés dans le calme. En rugby, la finale du top 14 entachée de soupçons de dopage. Selon les informations du quotidien L'Équipe, des traces de corticoïdes auraient été retrouvées dans les urines de 3 joueurs du Racing 92. Sacré champion de France le 24 juin dernier à Barcelone. Dan Carter, le champion néo-zélandais, serait concerné, tout comme Joe Rokosoko et Juan Imhoff. Sans autorisation médicale, les corticoïdes sont considérés comme des produits dopants durant les compétitions. En football, carton rouge retiré pour Mario Balotelli, la star de l'OGC Nice. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a tranché ce jeudi, estimant que l'arbitre qui l'avait expulsé avait pris une décision trop sévère. L'arbitre l'avait lui-même reconnu. L'Italien pourra donc disputer le choc de la 9e journée. Ce sera vendredi 14, Nice contre Lyon. Il est 6h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et la pluie tombe fort dans l'est. Oui, du côté de Saint-Benoît et notamment de Saint-Trons, ça pleut pas mal hein, depuis hier et cette nuit. Ça a continué, ça continue en début de journée. Et les pluies vont rester donc la monnaie courante entre Saint-Paul, la région de Saint-Denis et jusqu'à Saint-Philippe. Alors bien plus sur le nord et l'est, bien sûr, par intermittence. Il y aura des périodes d'accalmie, forcément. Mafate, Salazie ou encore le volcan et les plaines seront concernés par un ciel couvert, plombé, avec là aussi des gouttes par moment. Et puis plus on ira vers l'ouest et le sud-ouest, plus on retrouvera un ciel un peu moins maussade, même si il restera nuageux hein, ce ciel. Et cet après-midi, tout le monde sera logé à la même enseigne. Mais retour d'éclaircies par le nord en cours d'après midi, ce qui nous signale une amélioration pour le week-end. Allez, on croise les doigts. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Il est 6h13 dans toute la Réunion. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, c'est vendredi 7 octobre et les vacances arrivent là, pas très loin, hein. Ça y est, c'est soir pour certains et certaines. Voilà, pour certains les vacances. Et certaines, demain, pour certains, encore oui. L'école demain matin, et ben ensuite... Ce sera le plaisir de rester à la maison, faire les devoirs de vacances, veille télé, sortir, jouer basket, jouer et football. Pourquoi pas, et pourquoi pas de cuisiner. Et pourquoi pas de cuisiner avec 20 euros qu'on vous met dans la poche dans quelques secondes maintenant. Oui, on compte en quelques dizaines de secondes. Sorte sur le téléphone, on appelle à nous au 99 2000. C'est une question de rapidité. Espace Fraîcheur vous offre 20 euros dans votre portefeuille. C'est maintenant qu'il faut appeler. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. Et on démarre ce point route, Yves, avec deux accidents. Bonjour. Bonjour Isabelle, Yves. Bonjour Mickaël. Oui, attention, il pleut, la route mouillée, ça glisse, les distances de freinage augmentent. Là, une collision, le dernier en date, c'est à Sainte-Clotilde. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas l'adresse. C'est à Sainte-Clotilde, c'est assez large, près d'un groupe AVA. C'est la seule situation que j'ai pu avoir. Et donc, c'est un piéton renversé par un véhicule qui s'est produit là. Donc, il y a quelques minutes, vers 6h, il y en a un autre qui s'est passé plutôt dans la nuit, vers 4h du matin, sur la rue de Paris, un VL seul. Ici, les travaux ont pu avoir lieu hein, donc au niveau du triangle rue Bertin, rue Malartic et rue Ruisseau des Noirs. À la fois les travaux d'enrobé plus le marquage, donc c'est plus exceptionnel. Donc c'est vrai que la pluie vient de revenir là, donc une grosse averse là sur Saint-Denis il y a quelques minutes, donc la dernière demi-heure. Attention parce qu'il y a des zones où il pleut encore très très fort. Sainte-Rose notamment, on vous demande d'être prudent sur la RN2 là-bas avec ces routes qu'à niveau assez profond et donc le chaussée parfois étroite où il y a de nombreux travaux en plus dans ce secteur. La situation pour le moment, encore en dehors des ralentissements qui se font entre Saint-André et

En plus, il pleut. Allez, peut-être que ça pourra redonner un petit peu de sourire de ce matin. Allez, 20 € de bons d'achat à valoir dans les magasins Espace Fraîcheur, fruits et légumes. Le numéro, vous le connaissez, oui. 0262 99 2000. Allez, un sapin, là. On va dans une région. C'est ce matin, on va dans la région nord. Non, nord-est. Allez, nord-est. Ouais, la pluie tombe en nord-est là-bas. Tous ceux qui sont dans le nord et l'est, vous appelez maintenant. 99 2000. Ah, Moun Saint-Pierre vient de raccrocher là. Ah bah voilà. Saint-Pierre, ça y est, c'est mort. Ça y est, c'est mort. Allez, on a sélectionné sur la carte. Allez, appuie là. Allez, j'appuie nord-est et nord-est. Ah non, à est encore, voilà. Est, Pic. Non, pas toi. Bah non, pas toi. Bah elle alors, allez, elle, appuie. T'es sûr? Ouais. Sainte-Suzanne, oui. Allez, on précise encore un peu plus. Allez, appuie. Katie. Bonjour Katie. Bonjour Katie. Bonjour. Comment ça va Katie? Ça va. Elle est là. Ouais, avec la pluie, graine là, mon Dieu. Au final, habitué, Sainte-Suzanne nous connaît. Oui. Comment elle est? Ouais, la non. Pluie, fait pas peur à nous, ça. Ça vient avant, ça. Alors... Maintenant, la pluie est rare. Maintenant, il fait beau. Il fait beau à Sainte-Suzanne, bien maintenant. Sûr. Bah, oui. Katie l'a dit, avant, on avait la pluie. Oui, là, comme elle a les rats, ça rien. Mais d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. Ça, c'est la pluie, Tima. Katie, vous allez faire quoi de votre journée, vous? Ah ben, quoi de beau? Là, je sais pas, je m'y connais pas encore. Comme elle est à la retraite. Bah oui, la retraite. Oui. Donc c'est plus simple, on a le temps. Oui, j'ai retraité, mais bon, normalement, il marche. Ah, voilà. C'est bien. Ou l'active. Sportive, notre chère Katie. Oui. Allez, bon. Katie, ça tombe bien, on va vous donner un peu de quoi faire une alimentation équilibrée. Comme ça, voilà. On va sortir, on va aller faire un tour dans le magasin Espace Fraîcheur, gagner un bon 20 euros, ma fille. Voilà. Ah ben merci. Mais il n'y a parfait. Pas de souci, on est content de vous faire plaisir. Oui, ben merci. Bisous, Katie. Gros bisous et puis merci pour tout ça que tu fais, Réunion Première, mais adore Azote, mais toute Katie. L'équipe. Nous aimons Azote aussi. Merci à vous, merci à vous, bisous, c'est bisous. Vous, c'est vous oui, qui nous écoutez. Voilà. Merci, allez, bonne journée, Katie. Bonne journée Azote, bye bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Coucou Prisca. Coucou. Allez, la pluie là, arrête un petit peu. Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais vous présenter Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour. À quoi tous les trempés comme ça? Ben, parce que la pluie, t'as, mais désagréable, temps là. C'est pas évident, hein. Ah, oui, non, avec parasol là. Ah non, n'est pas évident. Je l'appelais pas évident de travailler. Elle est obligée de travailler parce que la faim, il faut travailler pour manger. Sans ça, il fait froid ici. Là, déjà, il fait froid dans la pluie. Et les pagailleurs travaillent dans la pluie. Bon, allez, on va quand même garder le sourire, parce que c'est la journée mondiale du sourire, c'est ça, les amis? Oui, ça continue. On va garder hein. Le sourire avec Marlène. Ben oui, c'est jusqu'à soir, à minuit. Et vous avez ramené quoi ici, Marlène? Les artichauts. Oui. C'est demi-voix. Les artichauts pays. Ouais. Des fraises pays, de l'ail pays chez nous. Mm-hmm. Il y en a aussi des mangues, José, aussi, derrière. À cause où la laisse, les mangues dans la caisse? J'ai beaucoup arrangé, je suis en retard. J'ai pas encore à mettre sur la table. Je vais mettre sur la table dans un instant. Et à combien ça vend les mangues, José, le kilo? 15 euros. Il baisse pas, hein, le kilo, hein? Non, ça commence. Et Marlène, il y a des artichauts. Il faut une marmite spéciale pour faire que les artichauts, tellement les artichauts, les gros. C'est après une grosse marmite, tout cas, il n'y a pas fait qu'il y a dedans, hein? Oui. Donc, ça que les plus gros, ils vendent 3 euros. Et après, les moyennes, c'est 3 ou 5 euros. Mm-hmm. Ouais. Comment est-ce qu'on cuisine l'artichaut, Marlène? L'artichaut, tu peux cuisiner tu peux faire un bouillon avec la morue. Bon, donc comment on fait ça? Tu coupes l'artichaut en quatre, tu tiens les épines et tu fais le bouillon là, tu fais ton rougail morue et tu fais le bouillon, tu lâches dedans. Avec les épines? Oui. Non, tu tiens les épines Ah bon? Les épines, peur, là. Tu enlèves le dedans et après tu fais ton bouillon morue et tu mets de l'artichaut dedans. Après tu peux faire même dans le rougail camaron, elle est très bonne aussi. Tu coupes l'artichaut en quatre, tu fais ta sauce camaron et tu lâches dedans. D'accord. C'est très bon aussi. Et tu peux prendre le chou entièrement. Tu peux faire dans le poulet, comme le palmier. Mmh. Tu peux faire dans la viande cochon et c'est très, très bon. Mmh. Merci pour ces conseils culinaires, Marlène. Et on va continuer à parler de recettes dans la colle Jacques dans un instant sur Réunion Première. À 8h30, on va parler de baba figue. Mmh. Vous connaissez ça, les c'est amis? C'est bon, pas ça. Évident, oui. Hein, mmh. À faire cuire. Je préfère les manger. Vous avez des astuces. Venez nous rejoindre. Bah, vous allez nous donner la recette tout à l'heure, Marlène. Merci. Merci, Prisca. À tout à l'heure. Marlène. À tout à l'heure, les amis. Bisous, Marlène. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on passe à l'économie. Et on les appelle les biocarburants de deuxième génération. Ce sont des carburants issus de résidus de forêt, de paille ou de canne à sucre, encore peu développés aujourd'hui. Ils peuvent représenter une alternative sérieuse au pétrole d'ici une quinzaine d'années. La chronique éco, Tessa Gromagne.

Yves, plus de précisions concernant cet accident à Sainte-Clotilde. Alors, et le blessé a été transporté avec le SMUR, hein, sérieusement blessé à la tête, en 80 crânien. C'est un homme d'une quarantaine d'années, donc ça se passait donc bien devant le Groupama qui se situe avenue Le Comte de Lille, donc l'ancien CD 44 de Sainte-Clotilde. Donc ils ont quitté les lieux. Donc c'était avec un fourgon tout à l'heure, juste avant 6h, donc attention. Sur la route, la chaussée est glissante, comme je le disais, les distances de freinage ne sont pas les mêmes quand la route est mouillée. Et puis attention à également vérifier l'état de vos pneumatiques, surtout avec ce changement de temps, puis on rentre vraiment dans la saison des pluies. Circulation bien ralentie entre Saint-André et Sainte-Suzanne essentiellement. Après, c'est un trafic relativement roulant, dense, mais pour arriver jusqu'au niveau du plateau d'Amar, après la circulation relativement correcte pour arriver sur Saint-Denis, ralentissement à hauteur du pont Pasteur si vous allez vers le Barachois. Donc un petit ralentissement également à l'entrée ouest au niveau du rond-point, donc après la caserne Lambert. Le boulevard sud, ça circule correctement. Le chantier d'hier soir s'est terminé vers minuit et demi, donc au niveau de la rue Ruisseau des Noirs. Et puis, vous dire qu'il y a quand même quelques difficultés en haut de viaduc, juste au niveau de la tranchée couverte de Saint-Paul. Très bonne route, prudence. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire et union. 6h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. 4 ans de prison ferme pour l'importateur de la drogue du cannibale. En tout, 10 personnes ont été condamnées hier à Saint-Pierre. Elles étaient impliquées dans ce trafic démantelé à la fin de l'année dernière. L'armée de l'air recrute 10% en plus cette année que les années passées. De nombreux métiers sont à découvrir. Explication dans ce journal. Les assureurs face au terrorisme, au blanchiment d'argent et à la fraude. Ils étaient en formation hier pour mieux repérer et traiter les dossiers suspects. Et puis, connaissez-vous la génération Watt? Ce sont des jeunes de 18 à 34 ans. On les questionne, on veut tout savoir sur leur vie. C'est pour avoir une photographie précise de cette tranche de population. 4 ans de prison ferme donc pour l'importateur de pyrovalérone, la drogue dite du cannibale. Il devra payer aussi une amende de 25 000 euros. Le revendeur principal a écopé de 30 mois de prison ferme et une amende de 15 000 euros. En juin 2015, cette drogue de synthèse avait été distribuée à La Réunion, mais le réseau était tombé en décembre. C'est un jeune homme qui l'avait importé en la commandant sur Internet. La drogue venait de Chine. Un réseau de vendeurs et de consommateurs s'est mis en place dans la foulée. Au total, 10 personnes donc étaient jugées hier à Saint-Pierre dans cette affaire. C'était le premier procès de ce type à La Réunion, Sophie Persson. Si le zamal pousse tout seul et ne coûte donc pas trop cher à produire à La Réunion, les drogues de synthèse comme le cristal ou la drogue dite du cannibale ne valent pas grand-chose non plus, mais elles peuvent, elles, se revendre cher et les marges des vendeurs deviennent alors confortables. C'est l'un des enseignements de ce procès. Et l'aspect économique n'est pas anodin, car si les consommateurs à la barre du tribunal ont tous vendu à un moment donné, c'était pour pouvoir s'acheter une dose qui est passée par exemple de 100 à 200 euros en quelques mois. Quant à l'organisation précise de ce trafic, le procès n'aura pas permis d'en savoir beaucoup plus. Chacun a essayé de minimiser son rôle. On sait malgré tout que l'importateur s'apprêtait à passer à la vitesse supérieure quand il a été arrêté. Le procureur a d'ailleurs demandé à ce qu'un message fort soit envoyé pour mettre un terme à ce genre de trafic. Les avocats de la défense s'attendaient à des condamnations car les faits étaient avérés et personne ne devrait faire appel dans cette affaire. Sophie Persson. En bref, le Dash 8 est arrivé hier soir dans l'île. L'avion bombardier d'eau sera positionné à l'aéroport de Pierrefonds jusqu'à fin décembre, fin de la saison des feux de forêt. Aujourd'hui, la préfecture présentera le plan de lutte contre ces incendies, un plan spécifique relancé à cette période depuis plusieurs années. Reportage dans notre édition de 8h. L'armée de l'air recrute, elle prévoit d'enrôler 2600 jeunes l'an prochain, c'est 10% de plus que cette année. Pas moins de 50 métiers sont proposés, tous niveaux scolaires confondus. Ces recrutements ont lieu dans toute la France, y compris chez nous. Et l'on sait que l'armée séduit beaucoup de jeunes réunionnais. Le département est souvent arrivé en tête des recrutements. Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez rencontrer les conseillers du CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées de Saint-Denis. Pas besoin de diplôme, l'armée de l'air assure elle-même la formation de ses élèves. Antoine Garnier. Le nombre d'opérations sur lesquelles l'armée de l'air française est engagée ne cesse d'augmenter. C'est pour cette raison qu'elle revoit à la hausse le volume de ses recrutements. En 2017, elle prévoit d'enrôler 2600 jeunes de moins de 30 ans venant de toute la France. Et la jeunesse réunionnaise devrait une nouvelle fois répondre présente. L'adjudant Didier est le chef du bureau armée de l'air du centre de recrutement des forces armées de la Réunion. C'est un excellent vivier. La Réunion est le premier département d'outre-mer en termes de recrutement pour l'armée de l'air. Les jeunes réunionnais sont brillants, ça marche très bien dans nos filières. À titre d'exemple, l'année dernière, le concours d'entrée à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, qui est une école un peu particulière, qui forme des jeunes à partir de l'âge de 16 ans et qui les emmène jusqu'au bac au sein de l'armée de l'air. Nous avons eu 12 candidats, 8 reçus, ce qui est un très très bon ratio pour un département. Pour ceux qui seraient intéressés par les opportunités offertes par l'armée de l'air, toutes les informations sont disponibles sur le site air-toutunearmée.fr. Antoine Garnier emploie toujours avec cette convention de partenariat signé hier entre la direction sud de Pôle emploi et la Fédération des particuliers employeurs. Cela entre dans le cadre de la semaine de l'emploi à domicile. Une collaboration avec pour objectif la création d'emplois et notamment concrètement d'aider certaines personnes à retrouver un emploi et répondre aux besoins en recrutement des particuliers employeurs. Les précisions de Priscilla Etève. Ce partenariat entre le Pôle emploi Sud et la FEPEM permet avant tout de mieux faire connaître les métiers de l'emploi à domicile, que ce soit autour de la famille ou encore service à la personne, et de les valoriser. Il s'agit aussi de faciliter l'accès à ce secteur en ciblant les besoins aussi bien des particuliers qui souhaitent recruter un ou des salariés que des demandeurs d'emploi à la recherche d'une activité à temps plein ou partiel. Quand bien même certains de ces métiers peuvent être accessibles à des personnes non qualifiées, cette collaboration vise justement à construire des parcours professionnels pour une meilleure reconnaissance du métier et donc un tremplin pour se réinsérer sur le marché du travail. Avec 53,4% des particuliers employeurs, la Réunion concentre aujourd'hui l'effectif le plus important d'outre-mer, soit 28 150 patrons privés pour environ 16 000 salariés. Priscilla Etève, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude, cela ne concerne pas que les banques, cela touche aussi les assureurs, d'où l'objet d'une formation organisée hier sur ces thèmes. Près de 80 employés de sociétés d'assurance ont écouté avec attention les recommandations de spécialistes. Au menu, les nouvelles réglementations sur le sujet et donner quelques outils pour détecter les dossiers suspects. Le reportage de Johan Adamadorassi. Fraude fiscale, travail dissimulé, abus de biens sociaux, abus de faiblesse, autant d'infractions qui peuvent aboutir à des blanchiments d'argent. Quoi que l'on croie, la Réunion n'est pas épargnée par le phénomène. Et cela concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. Le commandant de police Fabrice Chevalier, adjoint à la sûreté départementale. La priorité, c'est forcément les entreprises, puisque c'est là qu'il y a le plus de moyens financiers. Mais on a aussi des particuliers qui sont victimes de blanchiment, notamment les abus de faiblesse, qui sont un très gros problème à La Réunion. Des personnes qui sont en souffrance psychique ou physique sont malheureusement des cibles de choix. L'État appelle donc les assurances, au même titre que les banques, à être prudents et à signaler tout cas suspect. Philippe Goyenech est conseiller de l'autorité de contrôle prudentiel auprès de l'IEDOM. C'est une lutte permanente de tous les instants et c'est la raison pour laquelle on exige de leur part une extrême vigilance dans la conduite des opérations, que ce soit au niveau de la souscription comme au niveau de l'indemnisation. Depuis 2011, 15 sanctions administratives ont été prononcées par l'autorité de contrôle prudentiel. L'une d'elles a même été la radiation. À cela peut s'ajouter également les sanctions pénales, notamment des saisies. Le montant de 10 millions d'euros a déjà été atteint sur l'île. Johanna Damadorassi. 6h38 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. En 2013, France Télévisions lançait Génération Watt, la première enquête qui invite la jeunesse ultramarine à dresser son portrait. Et c'est reparti, elle est lancée aujourd'hui pour 4 mois jusqu'à fin janvier 2017. Tous les thèmes importants pour les 18-34 ans sont abordés sans tabou. La sexualité, la réussite, l'amitié, la fidélité, avoir 20 ans, l'identité, l'avenir ou encore la famille. C'est une consultation participative inédite pour dresser un autoportrait de cette génération. En affirmant son identité. Cette libre parole sera analysée par des sociologues et des spécialistes dans chaque territoire, c'est-à-dire dans chaque territoire ultramarin, et elle pourrait bien s'inviter dans le débat public à la veille des élections de 2017. Génération Watt, le questionnaire, ça donne ça. Je la vois très mal autonome et encore moins indépendante. Que moi, le statut actuel me va. Ressens-tu aujourd'hui à La Réunion les effets du colonialisme ? Oui, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des créoles qui sont inférieures encore aux oreilles. pas vraiment. Ça va être difficile. Te sens-tu avant tout européen, français, ultramarin, ressortissant de l'océan Indien, réunionnais? Je dirais réunionnais, là, c'est... Y a pas de question à poser, là. Réunionnais. Alors moi, je me sens français, réunionnais et ressortissant de l'océan Indien. Et l'invité de la matinale ce vendredi sur Réunion Première, Benjamin Morel, directeur d'Antenne Télé à Réunion Première. On reviendra sur la génération Watt, la parole donnée aux jeunes majeurs, les thèmes qui leur seront soumis, l'utilité de cette étude, la confidentialité des réponses. Rendez-vous à 7h15. Début aujourd'hui également des florilèges aux tampons. Cette année, la municipalité a procédé à un relooking du parc Jean de Cambrière. Pour l'occasion, comme chaque année, les horticulteurs de l'île se retrouveront en espérant vendre leur production. Michael Gagnère, meilleur ouvrier de France dans la catégorie art des jardins paysagers, sera également présent. Florilège, c'est aussi la fête commerciale en ville et la fête foraine sur la place de la SIDR 400. Giovanni Lebon, responsable de Florilège, dévoile le plateau artistique qui débutera dès ce soir. Les têtes d'affiche cette année, on a Calogero vendredi 7, il ouvrira notre florilège. C'est la première fois qu'on a une tête d'affiche un vendredi soir. Et le lendemain, on attaquera dans la foulée avec Rock Voisine. Le dimanche, Daniel Ouarau. Le lundi soir, des artistes locaux avec à chaque soirée une tête d'affiche tamponnaise. Et surtout le jeudi soir, la soirée jeune avec les phares. Donc on a essayé de faire un plateau qui vraiment correspond à tout le public de La Réunion. Le jour des artistes tamponnés en tout cas, ou des artistes locaux, le parc restera à 2 euros. Le soir des têtes d'affiche, le tarif passera à 5 euros. Donc, et le soir de Calogero, on sera quand même à 10 euros. Donc, avec une prévente la veille déjà. Et on espère que ça se passera bien. Giovanni Lebon au micro de Pierre Comorassami. Les florilèges, c'est jusqu'au 16 octobre au parc Jean de Cambrière. Autant oui, fond. Mais Jean de Cambrière vous remercie aussi. Ma fourche à languer un petit peu. Merci Cécile, à tout à l'heure. Pour la une de la presse. 6h41. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Bah alors aujourd'hui c'est facile, le sud sous le soleil, le nord sous la pluie. Bah c'est un peu ça, si. On a eu le message de Fred tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait un beau soleil à Saint-Philippe, mais toujours, des mollassons sur la route. Bon ça c'est son avis, donc plus on va vers le sud-ouest et le sud, plus on aura de soleil cet après-midi, en tout cas ce matin déjà pour commencer. Globalement sur une grande moitié nord, entre Saint-Paul en passant par Saint-Denis jusqu'à la région de Sainte-Rose, là c'est quand même beaucoup plus nuageux avec des averses surtout sur la partie est en ce moment, la partie est de La Réunion et même sur le chef-lieu, vous en essuyez des averses, hein, sur Sainte-Rose ou encore Saint-Denis. Ailleurs, pour l'instant, moins d'averses, hein, sur le sud-ouest et le sud. Cet après-midi, tout le monde sera logé à la même enseigne avec des averses qui peuvent se déclencher un peu partout. Les éclaircies qui reviendront sur le nord de l'île à partir de la fin d'après-midi ou milieu d'après-midi, ce qui annonce une amélioration pour le week-end. Température douce ce matin, voire presque chaude, 25 degrés à Saint-Gilles. Atmosphère lourde puisqu'on a un vent de nord qui souffle sur l'ouest et l'est. Youpi! Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et on reste bien prudent sur le réseau routier, surtout quand il pleut. Déjà eu 2 accidents ce matin sur Saint-Denis. On fait un nouveau point route tout de suite. L'info route vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. C'est à vous Yves. Ouais, le premier accident qui s'est produit rue de Paris, il n'y avait rien de grave, hein, le véhicule avait tapé un muret et donc ça a été rapidement dégagé, c'est vers 4h du matin. Par contre, l'autre accident, beaucoup plus sérieux avec ce piéton, renversé avec un traumatisme crânien, donc médicalisé sur place et transporté avec le SMUR et les pompiers, donc avenue de Saint-Clotilde. La chaussée mouillée continue, une petite farine sur le Lancastel, donc ça ne va pas sécher la chaussée, attention à être prudent, ça ralentit à hauteur du pont Pasteur, hein, si vous allez vers le Barachois. L'entrée ouest sortie du tunnel du Cap Bernard, ça roule encore sur le pont Vinsan. La tranche est couverte côté mer, un petit peu dense en fin d'ouvrage avant le carrefour avec la rue Mazagran. Donc je rappelle que le triangle a été réalisé, hein, donc ça y est, on ne circule plus avec un gymkhana à travers les regards qui étaient remontés au niveau de la rue Bertin, rue Ruisseau des Noirs et rue Malartic. Ça y est, ça a été réalisé, donc les travaux d'enrobé et le marquage également. Chaussée donc toujours bien glissante et sous la pluie dans l'est, avec attention de gros ralentissements, Saint-André, Sainte-Suzanne, la montée de la Bel-Air jusqu'au plateau de la Mare. Vous êtes en difficulté. Après, ça va mieux pour aborder Saint-Denis pour le moment. Voilà, attention, on reviendra sur une information. Ce sont les vacances. Et bien, la rue du Pont sera fermée, le pont de la rivière Saint-Denis. pendant toutes les vacances dès lundi. Je vous en reparle tout à l'heure. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Boirot et Mickaël Laurette. Bah on est là pour ce dernier jour de la semaine avant le week-end. Tiens, regarde par la fenêtre. Oui. Il fait un petit chouïa meilleur. Allez, un petit chouïa meilleur. Bon. Petit chouïa. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être ce qui annonce le week-end, justement, où il y aura un peu plus de soleil. Ah, c'est bien. C'est ça, on va en profiter ouais. Avant 7h. Ça sera les unes de la presse avec ce seront, c'est mieux, les unes de la presse avec Cécile Thomas. Et juste après, on aura Rocaga qui nous parlera de son livre qui sort chez les bons libraires. Cancer, Père chimio, champagne. Elle a vécu un cancer, Rocaga. Elle en parle dans son livre et elle fait partager cela à tous et à toutes. Une belle victoire en tout cas contre le cancer pour Rocaya. Ouais, en espérant que ça va donner à beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, près de 40 000 cas de cancer par an en France chaque année. Bah, du courage et de montrer qu'il faut être entouré, il faut se battre, il faut en parler. Et c'est ce qu'on va faire. Et là, il s'agit du cancer du sein, donc on sera tous aussi à Odyssea pour la course le 1er novembre pour lutter. Mois d'octobre, le mois rose. Hein. Le cancer du sein, oui. Eh oui, mois rose. Effectivement, Isabelle. Bon, et pendant ce temps-là, Litchi est de retour chez nous. Zambrocal quotidien. Mm-hmm. Aujourd'hui, il est encore avec des coups de claque. Il va mettre son nez dans le compte en banque, le tien, le mien, tout ça. Remarque, ça peut aider, moi je dis. Ouais. Bon, Litchi est gestionnaire de banque aujourd'hui alors. Ça pourrait aider. Allez. Chaque mois, comme beaucoup d'entre autres m'imaginent, mon compte en banque l'est à découvert. Il faut dire que malgré mon bac plus 5, à aucun moment de ma scolarité, on m'a appris à gérer un budget. Hashtag échec de l'éducation nationale. Bien calculé entre le loyer, le manger, l'achat du sang frais de nourrisson et ma participation à la construction de la nouvelle route du littoral au travers des impôts, c'est compliqué de faire des économies avec mon salaire. Heureusement, pour m'aider à mieux gérer toutes ces dépenses, ma banque a créé une super application pour téléphone. Ça permet de suivre ses comptes. Quand Nena l'argent, Nena un petit soleil affiche, mais plus on dépense, plus Nena gros nuage avec la pluie. La fin du mois n'a carrément un alerte cyclonique sur mon compte. Alerte orange. Allez pas restaurant gars, un barquette sur bord chemin où les pas capable acheter tes mots de compte les vilains. Alerte rouge. Fais un mot d'autre case, les trop risqués pour sortir dehors ou va dépenser l'argent qu'on a point. Et surtout, prie pour que le facture électricité avec de l'eau la passe. M'y sent plus moins vivre dans des conditions comme ça, m'y voudrais moi aussi pouvoir acheter que ça m'y veut sans réfléchir. Comme mon pouvoir d'achat ne risque pas d'augmenter vu mon travail et que voler c'est pas bien et demander la charité c'est quelque chose que je ne sais pas faire, la solution la plus simple que Minana pour être riche c'est de trouver un pied de riz. Parce que m'y vois pas pourquoi ce serait uniquement réservé aux femmes d'épouser un beau riche, moi aussi m'y voudrais être entretenu. Donc m'y réitère mon annonce du début de semaine. Si vous l'avez un tantine ou de papa n'en a l'entreprise, l'héritage ou un bout de terrain facilement déclassable pour faire un lotissement, écris à moi. Bon après n'est pas obligé que ou les riches à cause d'autres papas. M'y prend aussi le bonne femme que l'a réussi par zot même, hein. Médecin, avocat, chanteuse. Ah non, chanteuse, la Réunion n'a point trop l'argent, ça. Si Christine Salem n'était riche, ça fait longtemps qu'elle n'aurait trouvé un moyen de dresser son cheveu. Ce serait génial quand même, avoir un tantine achète toute pour. Chérie, m'a besoin d'un nouveau paire basket. Tiens. Chérie, m'y ennuie à moins la case, est-ce qu'on peut acheter à moins une nouvelle console de jeu? Tiens. Chérie, mon loto l'a abîmé, m'y veut un autre. Tiens. Hashtag sous-tireur. Bon, après, pour compenser, m'y ferait un bon père au foyer, bien sûr. Mais il n'est pas comme ce bon papa, il traîne la boutique ou bien il court des informes. M'y sera à la hauteur, m'y diazote. Pour la cuisine, m'y va apprendre en regardant les anciens épisodes de gazonnerie. Et pour élève marmaï, m'y est opérationnel. Sur internet, m'a vu un tutoriel sur l'éducation des enfants. A priori, il suffit juste un ceinture à la marque avec le fer dedans pour que out marmaï pousse droite. Sacré Litchi. Ouais, enfin, en même temps, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, des lèvres marmaïens. Moi, je vais te le dire. Litchi, ouais, mais Litchi, hein, il sait pas. T'as un bouc célibataire, hein, il cause, voilà, là. C'est ça. 16h50, ça sera le bon tempo avec David. Et vous le retrouverez, hein, Litchi, si vous l'avez raté ce matin. Allez, voilà. On file sur les unes de la presse. Et juste avant les unes, eh bien, qu'est-ce qui arrive pour la vous musique. Eh ben oui, David Mirto avec Marès le Diable. David Mirto. À tout de suite. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui le Trail de Bourbon et la Mascarene. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Ça tient de deviner? Devinez! Qu'est-ce que les gratuites? Les zones 5 à couvert de verre et asperazone dans votre pharmacie? il ne peut pas s'en passer, citant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, comme ça il est? Ben oui, si le petit bac ou ancien pour tout ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sidastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, Outri et Niramas. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau boost ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi, cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, Quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le boost ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir votre boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. La région Réunion lance le POP nouvelle génération. Let's go ! Le POP 2. POP 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion internet. Pop 2. Sous conditions de ressources. Comment obtenir ton bon pop 2? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion internet sur le www.régionreunion.com. Première. Alors, je vous avais promis d'avenir toi avec Maria Zlo Diable. On va juste le garder en stock, hein, et puis on va vous le repasser un petit peu plus tard. On est un peu à la bourre ce matin. Voilà, bon. Je crois que c'est le week-end. Je crois que c'est le week-end qui arrive. Donc, du coup, on en oublie le temps. On va commencer donc avec le quotidien, puisqu'on passe aux une de la presse directement avec Cécile. Et des fonds pour la canne à sucre. Oui, l'État tient ses promesses. Titre le journal, 28 millions annuels pour conforter l'avenir du sucre. La fameuse enveloppe promise par François Hollande à Bois-Rouge vient d'être inscrite dans le projet de loi de finances. Reste à obtenir le feu vert de Bruxelles. Autre titre, handball, les confidences d'Onesta à Maurice. Elle tue sa fille d'un coup de poing. Trafic de drogue dure, une peine exemplaire pour la tête du réseau. Et puis le salon du livre jeunesse, un rendez-vous devenu incontournable, écrit le quotidien. Du nouveau dans l'affaire Marie, porte du ciel en une du journal de Lille. Avec le témoignage d'une victime de la secte, pour elle, la secte sévit toujours. Toutes les ramifications n'ont pas été démantelées. Autre titre, procès des drogues de synthèse, 4 ans ferme pour la tête du réseau. Loi sur l'égalité réelle, quelles sont les avancées, demande le GIR. Et puis en foot, mondial 2018, France-Bulgarie, victoire obligatoire pour les Bleus ce soir. Oh que oui, dans la presse nationale, la colère des oubliés en une d'aujourd'hui en France. Les oubliés des inondations, les pluies qui ont ravagé la région parisienne et le sud de la France laissent encore plusieurs mois après des dizaines de milliers de dossiers de sinistrés en souffrance. Autre titre, attentat de Nice, des héros tellement humains. Le journal a pu consulter les dépositions de tous les anonymes qui, face à la folie meurtrière, ont fait preuve d'un admirable courage. Et puis France-Bulgarie en foot, pourquoi les Bleus ne font pas recette, écrit le journal. François Mitterrand, allongé dans l'herbe, en une du Monde. Oui, Mitterrand, amoureux. Le Monde publie des extraits du journal pour Anne, que tenait François Mitterrand entre 1964 et 1970. Anne Pinjot a aussi confié à Gallimard les lettres de son compagnon d'une vie. Autre titre, la France, parent pauvre de la justice européenne. En 2014, la France ne consacrait à la justice que 64,10 € par habitant, contre 88 € pour l'Espagne et plus de 108 € pour l'Allemagne. Mohamed VI en une du Figaro. Élection au Maroc, comment Mohamed VI canalise les islamistes. Autre titre, retraite, les avantages des fonctionnaires en accusation. Et puis le Figaro qui s'intéresse aussi à la grande misère de la justice française et à François Mitterrand, un président amoureux. Le profit d'un président en une de Libération. Et ce n'est pas François Mitterrand, c'est Rodrigo Duterte. Le président serial killer, titre Libé, il utilise le meurtre pour lutter contre la drogue. Il insulte le pape ou Obama, enquête et reportage aux Philippines, secouées par leur nouveau chef de l'État. Autre titre, 2017, Najat Vallaud-Belkacem se prépare au cas où, et puis en foot, les faux semblants des Bleus. Le match des Bleus ce soir en foot, en une de l'équipe. Et cette fois, pas de blague, demande l'équipe. Match qualificatif pour la Coupe du Monde de 2018, les Bleus affrontent la Bulgarie. Remake interdit, écrit l'équipe. Impossible de se faire massacrer comme en 93. Et puis en rugby, en top 14, des corticoïdes en finale. Des traces de corticoïdes ont été retrouvées dans les urines de trois joueurs majeurs du Racing 92, dont le néo-zélandais Dan Carter, lors de la finale du dernier top 14 remporté par le club francilien face à Toulon. C'est une info que révèle l'équipe ce matin. Oui, mais on suivra ça de très près. Surtout que Dan Carter est une star. Le rugby n'échappe pas au dopage. Néo-zélandais, mais oui, dans beaucoup de sports. Merci Cécile. Grand matin, l'appel réveil. Son livre s'appelle Cancer Chimio. Et champagne. Et dans ce livre, Okaya raconte son combat contre le cancer. Un crabe qui est entré dans sa vie comme dans celui d'une femme sur neuf en France, Michael. Entre rire, doute, elle s'est battue pour vaincre la maladie. Bonjour Okaya. Bonjour Okaya. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Okaya, après une épreuve comme ça, certaines, il dit bon allez, il met ça derrière, il avance, il continue, il a moins notre chance de continuer. Toi, tu choisis d'écrire, de parler de ta maladie, de ton combat. Pourquoi ? On connaît les comme insaltés, les comme quand on l'a parti en randonnée ou toute une journée, ou la transpirer, ou la masser à notre yeux, à la comment la poussière, à la saleté, tout de suite, ou à cette saleté-là, où l'envie de brosser, où l'envie de tirer, jette aller plus loin. Et après, auditer, jette aller plus loin, peut-être. Mais en même temps, vous l'avez, votre maladie, peut-être autrement, sans doute autrement que beaucoup de personnes, bien à tout la vivre comme ça, se manquer va et d'azote. Alors, t'apprends pas ton cancer dans de bonnes conditions. Hein. Ta biopsie en 2013 révèle justement ce cancer du sein, comme tu le dis, in situ. Moi, tu comprends pas très bien ce que ça veut dire in situ. Et puis, alors, surtout, en même temps. Si, mais comprends. Oui. Je suis pas bon l'intelligence. Oui, dans ces cas-là, c'est difficile. Oui, toute façon. Oui. Là où tu as raison, c'est que de toute façon, le reste, tu n'entends pas. Oui. Tu entends cancer. C'est ça. D'accord. Cancer. C'est ça. Voilà, tu entends cancer. Après, ça m'a été annoncé assez brutalement, de façon expéditive, et où la poêle le temps pose question, la poêle machin, le matin. Allô, au gynéco. Voilà, la fille ramène à où sur le pas de la porte, dit au revoir, en sorte à où écoute gynéco. C'est ça. Bon, ok, d'accord, ok. Et franchement, à ce moment-là, j'ai eu une pensée, enfin, en tout cas, sur le chemin qui me menait jusqu'au gynéco, j'ai eu une pensée pour toute bonne petite madame, je sais pas, elle a pas la force de caractère, elle a pas, il comprend pas que ça qu'il est, etc. Comment il fait? Je sais pas, même un problème avec l'annonce, parce que Nikonik, moi, n'est pas la seule à avoir eu une annonce, à mon sens, désastreuse, pour avoir discuté avec énormément de femmes, pour les avoir reçues sur le plateau. Mmh. Effectivement, l'annonce, dans beaucoup de cas, c'est un problème. Donc, je pense qu'il y a un petit quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a des formations à mettre en place. Je sais pas. Mais oui, peut-être. Pour la psychologie, c'est une maladie qui est difficile à vivre. Mais toi, t'essayes de garder ta vie plutôt courante. Tu parles d'une tarte à la framboise que tu veux manger à un moment aussi. Cette fameuse tarte à la framboise. Ça c'était quand j'étais à Hartmann. Tout le monde me connaît. On sait que je suis épicurienne. J'aime manger, j'aime la vie, j'aime boire, j'aime faire la fête. Et c'est vrai que pendant ma maladie, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de ces armes et tout ce qu'on vous dit en vous disant attention, la viande, le machin. Tout ça c'est vrai. Mm-hmm. Mais pendant cette période, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin d'avoir mes amis autour de moi. J'ai eu besoin de faire la fête. J'ai eu besoin de faire plein de choses. Parce que ça m'a apporté. J'ai reçu de l'amour énormément, évidemment, de mes proches, de ma famille. Je commençais l'émission L'amour, les doux. Mmh. Et j'en ai eu plein également avec les candidats de L'amour, les doux. Avec toute cette euphorie qu'il y a autour de leur mariage. Tout ce bonheur qui rejaillit sur tout le monde. Et honnêtement, ça m'a aidé. Alors juste rapidement, Rokaya, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes, aux dames notamment, aux femmes qui nous écoutent ce matin et qui certainement peut-être sont elles aussi en train de se battre en ce moment contre ce crabe ?

2016, ce qui préoccupe le plus, c'est l'environnement. Faites-vous entendre. Ouvrez votre gueule. Plus vous êtes nombreux et plus ce sera fort. Alors si vous avez entre 18 et 34 ans et l'envie de vous exprimer sur votre vie, vos aspirations et sur ce qui vous préoccupe, rendez-vous sur le site de Génération Watt. Génération Watt, on en reparle après ce journal avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier. Elle reçoit aujourd'hui Benjamin Morel, directeur d'Antenne Télé à Réunion Première. Ça démarre aujourd'hui et ça dure un peu plus d'une semaine. Le tampon va vivre au rythme des florilèges. Pour cette 33e édition, la mairie a décidé de rajeunir le parc Jean de Cambière. D'importants travaux ont été réalisés. Et comme chaque année, les horticulteurs seront présents, des professionnels pour qui florilège est un rendez-vous incontournable, même si aujourd'hui la vente n'est plus le seul objectif. Les précisions de Joseph Avril, vice-président de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes. Les salons, d'une manière générale, c'est pratiquement fini de dire qu'on vient pour écouler la production. Non, on est là pour faire en sorte que ça écoule en une bonne partie de ce qu'on a mis en œuvre pour cette période-là, mais aussi c'est de voir plus loin. Beaucoup d'entreprises accueillent les clients, donc c'est de les amener à venir dans les entreprises, c'est de les amener à comprendre c'est quoi un produit fabriqué à La Réunion, qu'est-ce que vous nous demandez pour qu'on puisse mettre en œuvre la production qui correspond à ce que vous avez vos besoins, et ainsi de suite. Le contact direct est très très important et d'autant plus qu'aujourd'hui, on connaît très bien comment l'économie est difficile. Donc, créer de l'emploi, travailler localement ou régionalement dans un truc, aujourd'hui, porte ses fruits. Joseph Avril, vice-président de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes au micro Réunion Première de Pierre Comorassami. Florilège, c'est jusqu'au 16 octobre au tampon, la mairie qui a invité cette année Calogero et Rock Voisine. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info et Fanny Bouvard. On parle ce matin du dopage dans le milieu du rugby. Des rugbymen du Racing 92 ont-ils soulevé le bouclier de Brennus en étant dopés? Selon le journal L'Équipe, trois joueurs parisiens auraient été contrôlés positifs aux corticoïdes lors de la finale du Top 14 en juin dernier à Barcelone. Seraient concernés Dan Carter, Joro Kosoko et Juan Imanov. Les corticoïdes sont interdits lors des compétitions sauf autorisation médicale. Les États-Unis attendent l'arrivée de l'ouragan Matthew avec angoisse. Il devrait d'abord toucher la Floride à la mi-journée, avant de remonter doucement vers le nord. Plus de 2 millions d'habitants des villes côtières ont été appelés à évacuer au plus vite. Les aéroports sont à l'arrêt et la garde nationale est mobilisée. À Haïti, le bilan s'alourdit après le passage de l'ouragan. 264 morts et des villes rasées à plus de 80% selon les autorités. Mais sur place, difficile d'évaluer la situation avec précision et d'évacuer tous les blessés. Le sud-ouest du pays, touché de plein fouet, est encore coupé du monde. L'avenir d'Alep, au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ce vendredi. Une rencontre réclamée par Moscou, alors que l'armée syrienne, soutenue par la Russie, poursuit son offensive dans les zones rebelles de la ville. Ces quartiers risquent la destruction totale d'ici la fin de l'année, selon l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. 275 000 personnes vivent toujours sur place. En France, Alain Juppé s'est engagé à se ranger derrière Nicolas Sarkozy s'il est battu lors de la primaire à droite. Et c'est ce qu'il a affirmé sur France 2, invité lors de l'émission politique, soulignant qu'il resterait vigilant sur l'honnêteté du scrutin. Mais le maire de Bordeaux se dit pour l'instant confiant. Selon lui, il y aurait même de la panique dans le camp Sarkozy face aux bons sondages qu'il reçoit. À gauche, François Hollande glisse, lui, ses dernières propositions à moins de 7 mois de la présidentielle. Lors d'un colloque à Paris hier soir, le président de la République s'est dit favorable à une limitation du nombre de mandats pour les parlementaires, pas plus de 3 successifs, et à une accélération de l'adoption des lois, pas plus de 70 jours au Parlement. Des affrontements mais pas de blessés dans la soirée en Haute-Corse. Plusieurs dizaines de jeunes nationalistes ont protesté à Corté contre les condamnations de 3 de leurs camarades pour rapidement revenus. C'est 7h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Michael, du gris. Du gris. De la pluie. Beaucoup de gris, en tout cas sur la moitié nord de l'île. Entre le port en passant par Saint-Denis jusqu'à Sainte-Rose. Et puis plus vous allez vers l'ouest et le sud, plus vous retrouverez des éclaircies. Ce matin, du beau soleil, même cet après-midi, ça va s'inverser. La moitié sud sous les nuages. Et pourquoi pas les averses. Et la moitié nord va retrouver des éclaircies. Et l'amélioration va se dessiner pour le week-end. Ça, c'est la bonne nouvelle. Température douce ce matin, atmosphère lourde, vent de nord sur l'ouest et l'est, Sainte-Rose et du côté de Saint-Gilles. Et le temps va donc s'améliorer. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le week-end. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Ah, si le temps va aller en s'améliorant, est-ce que ça s'améliore déjà sur le réseau routier? On voit ça tout de suite avec Yves. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. J'ai un doute. Vous êtes au rond-point Digue, Yves. Ah, vous pouvez l'avoir. Alors, il y a le doute, forcément. Le rond-point Digue, alors déjà, il y a les feux ne fonctionnent pas. Et comme tous les ronds-points du boulevard sud, ou comme tous les ronds-points, le rond-point Digue est un rond-point. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément la priorité. Regardez les panneaux qui se situent sous les feux tricolores. Donc, un triangle avec la tête en bas, hein, avec une bande rouge, ça veut dire céder le passage. Donc, vous devez céder le passage, même si vous êtes sur le boulevard sud. C'est exactement comme un rond-point normal. Donc, voilà, ceux qui sont sur l'anneau sont prioritaires. Donc, voilà, on a l'impression que les gens ne savent plus comment rouler quand le feu ne fonctionne pas ici. Donc, ça a été signalé, ça va être sans doute réparé. Du brouillard et de la pluie, attention, dans les rampes de la montagne, je voyais tout à l'heure le petit train, ça roule très mal. Hein, donc, pour descendre les rampes, faut dire avec la chaussée glissante, les autobus sont très prudents parce qu'il y a souvent des pertes de contrôle là-haut dès que la chaussée est mouillée. C'est compliqué sur la partie basse, Champfleury, tranchée couverte de Saint-Denis, donc en direction de l'ouest, hein, donc de la tranchée côté mer bien pleine. Le boulevard sud, si vous avez choisi le boulevard U2, donc vers la montée, ça coince avant le pont Vinsan, donc attention des difficultés également. Lancastel, ça roule encore. L'entrée ouest, bien toujours Ravine à Malheur, hein, donc au PR 11, sortie de la corniche, donc si vous avez de la possession, 2,5 km après le début de cette route du littoral, voilà où démarrent les difficultés. Sous la tranchée couverte de Saint-Paul, voilà, donc ça ne change pas trop ce matin. Attention, ne roulez pas également par habitude. Nos tampons, depuis hier, le plan de circulation spécial Florilège est mis en place. La rue du tampon, par exemple, est inversé, donc ça a créé d'ailleurs de gros ralentissements hier sur la 4 voies. Donc attention à ces changements qui interviennent avec les florilèges qui démarrent aujourd'hui. Et puis dans l'Est, ben ça y est, donc les bouchons depuis Sainte-Suzanne jusqu'à Saint-Denis, c'est un bouchon continu. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Les pronostics du jour du Fouineur pour le tir s'écarté Quintet Plus. Ah oui, qui va se courir ce soir à Vincennes, prix Charles-Émile, s'il y aura 15 partants, 2850 mètres à parcourir, 1 million dans la tirelire. Les pronostics du Fouineur, il vous conseille le 7, le 9, le 14, le 10, le 13, le 5, le 15 et le 8. 7, 9, 14, 10, 13, 5, 15 et 8. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. À suivre l'invité de grand matin de Philippe Dornier, Benjamin Morel, le directeur d'antenne télé de Réunion Première. On parlera notamment de ce nouveau rendez-vous, Génération Watt. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarée. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Samy Jean-Fédétonne qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La région Réunion lance le Pop Nouvelle Génération. Let's go ! Le Pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon Pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon Pop 2 ? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Et sur Première, bienvenue, 7h17, dans toute la Réunion, Philippe Dornier nous a rejoint, c'est l'invité de Grand Matin, bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous accueillez ce matin Benjamin Morel, directeur d'antenne de la télévision. Chez nous, à Réunion Chez Première. Chez nous, oui. Donc, effectivement, il est là. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, les jeunes réunionnais sont invités à donner leur point de vue sur tout un tas de sujets à travers une enquête lancée par France Télévisions. Ça s'appelle Génération Watt, une véritable étude sociologique. Est-ce que c'est bien le rôle d'un média de service public de faire ce travail ? Donner la parole au public et donner la parole à la jeunesse, oui, effectivement, je pense que c'est le rôle d'un média de service public. on leur donne la parole habituellement sur les ondes, mais là, on recueille leurs opinions. Alors, pas la même chose. Oui, mais la différence, c'est que quand on est sur les ondes, quand on est face à une caméra ou devant un micro, la parole est un peu plus filtrée, il y a plus de retenue. Là, il s'agit d'un questionnaire en ligne, anonyme, avec des questions parfois intimes. Et je pense que les gens se livrent beaucoup plus facilement dans ces conditions. Alors, on donnera des exemples dans un instant. Les détails pratiques, il faut aller sur Internet, www.generation-watt.re, Watt, W-H-A-T, quoi en anglais? Pourquoi l'anglais? Moi, au départ, l'enquête s'appelait Génération Quoi quand elle a débuté sur France 2, il y a plusieurs années. Bon, les codes évoluent, on sait qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans le langage. Voilà, c'est une façon de s'adapter aux codes de la jeunesse aussi. Et puis, pourquoi Internet, le support numérique, c'est quoi? C'est le plus efficace pour obtenir des réponses? Ah, je pense que si on avait fait uniquement en télévision cette enquête, on aurait eu des résultats assez limités, vu l'intérêt de notre jeunesse pour les médias traditionnels. Donc Internet, évidemment. 23 millions de personnes ont déjà répondu au questionnaire en métropole. Là, c'est un autoportrait de la jeunesse réunionnaise que vous souhaitez obtenir. Pourquoi? On parle souvent au nom de la jeunesse réunionnaise, les attentes, les espoirs. Le jeune réunionnais aime ça, le jeune réunionnais a peur de ça. À un moment, c'est bon de l'entendre se prononcer lui-même sur sa situation, ses attentes, ses valeurs, ses craintes. Voilà, il n'y a rien de mieux qu'un autoportrait pour être le plus proche de la réalité. Ce sont les personnes de 18 à 34 ans qui sont visées. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette tranche d'âge? Ben, c'est une phase de transition. Je pense que c'est vraiment le passage à l'âge adulte qui se fait beaucoup plus tard qu'avant. 18 ans, on commence à quitter le nid. 35 ans, on est au moment où on s'installe vraiment, beaucoup plus tard qu'auparavant, comme je le disais. Voilà, donc c'est une génération charnière. Les jeunes, vous les tutoyez alors qu'ils ont plus de 18 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui trouveraient ça infantilisant? Ben, je pense que sur Internet, le vouvoiement n'a pas toujours sa place. Donc c'est un vrai choix? C'est un vrai choix, on est dans les codes d'Internet, on est, quand on est sur Facebook, on dit « j'aime » et pas « je vous salue hein, », je veux dire... Alors, le langage, vous allez y revenir tout à l'heure, mais je vous propose d'écouter déjà quelques jeunes qui ont rempli le questionnaire. On leur demande par exemple comment ils voient l'avenir de La Réunion. Je la vois très mal autonome et encore moins indépendante. Que moi, le statut actuel me va. Ressens-tu aujourd'hui à La Réunion les effets du colonialisme? Oui, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a des créoles qui sont inférieures encore aux oreilles. Non, pas vraiment. Ça va être difficile. Te sens-tu avant tout européen, français, ultramarin, ressortissant de l'océan Indien, réunionnais? Je dirais réunionnais, là c'est... Il n'y a pas de question à poser là. Réunionnais. Alors moi, je me sens français, réunionnais et ressortissant de l'océan Indien. Voilà, quelques jeunes qui donnent leur réponse. Il y a l'ancrage réunionnais, il est important dans ce questionnaire, Benjamin Morel. Oui, il est essentiel. D'ailleurs, il y a une partie du questionnaire qui a été adaptée spécifiquement pour La Réunion. En effet, les questions d'identité par rapport à la métropole, les questions liées... au statut de colonie, les questions liées à l'éloignement se posent à La Réunion plus qu'ailleurs. Les réponses de ces jeunes, est-ce que ça aura valeur de sondage? Oui, effectivement. Après plusieurs mois d'enquête en ligne, il va y avoir une matière statistique qui va être analysée par un institut. Donc, on ne peut pas dire que ça ait valeur de sondage. Quel institut? TNS Sofres. Qui est reconnu, donc. Oui, absolument. On n'est pas dans le sondage, mais on est dans une analyse statistique rigoureuse de ces données. Et les instituts de sondage, ils utilisent la méthode des quotas. Est-ce que ce sera le cas là aussi? Non, puisque l'enquête, on ne choisit pas au départ un panel. Donc on peut ensuite s'appuyer sur les différentes données pour en extraire des conclusions. Mais non, on n'est pas sur un panel choisi. Alors le ton, il est plutôt léger. Par exemple, il faut cocher cette case. J'accepte que les informations que je donnerai, notamment sur mes opinions et mes valeurs, soient collectées et traitées aux fins de cette grande enquête. Enfin, si c'est pour faire avancer la science, c'est un vrai choix de ne pas être solennel. Oui, absolument. Encore une fois, je pense qu'on est obligé de s'adapter au code de cette génération si on veut pouvoir capter son discours. Le langage n'est pas toujours très châtié. Je cite, c'est dans l'enquête, « Dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser. » Est-ce que vous assumez ? Je pense que oui, j'assume. Les gens parlent comme ça. Je veux dire, entre nous, on parle tous comme ça, ça nous arrive. Donc pourquoi se limiter encore plus dans la sphère Internet ? Et au-delà de ce choix, cette question, est-ce qu'elle se pose vraiment aux jeunes réunionnais ? En gros, c'est la question de la compétitivité, d'une société capitaliste difficile dans laquelle il faut savoir s'imposer. Donc oui, elle se pose, bien sûr. On aurait pu dire manger ou être mangé, hein. Mais ça revient à la même chose. Voilà, mais donc c'est un choix assumé. Il risque d'y avoir des critiques peut-être là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez par avance ? Que le débat est toujours positif. Il est question dans cette enquête d'emploi, de famille, de sexualité, de politique. Quel genre de questions ? Quelques exemples. Vous l'avez entendu, sur l'identité, sur la sexualité, ça peut être avez-vous déjà eu une expérience homosexuelle ? Voilà, une question qui peut-être se posait beaucoup moins pour notre génération, et pour les jeunes, je dirais pas que c'est une évidence, mais il y a moins de tabous qu'il y en avait à l'époque. Voilà un exemple sur la sexualité, sur la drogue, sur le lien avec les parents. Est-ce que vous vous êtes déjà saoulé avec vos parents ? C'est une question anodine, mais c'est aussi symptomatique des relations à nos parents et d'une génération. Il y a des questions très personnelles sur la religion, sur les pratiques sexuelles, sur des opinions. Les réponses, elles sont vraiment confidentielles, c'est garanti ? Ah, bien sûr. Je pense que France Télévisions ne s'exposerait pas à une collecte illégale de données pour un usage autre que l'enquête. En même temps, on a vu dans le reportage sur Réunion Première Télé hier soir des jeunes qui répondaient à ce questionnaire en classe. Il n'y a pas un risque là que les uns regardent un peu ce que les autres répondent ? Comment ça se passe ? Là, c'était particulier, c'était en amont de la mise en ligne. Le site a été testé par des jeunes du BTS-COM du lycée Lecomte de Lille. Donc voilà, là c'était un exemple particulier, mais sinon en règle générale, c'est seul ou entre amis devant son ordinateur. D'accord. Les résultats, ils seront connus quand ? Les résultats vont évoluer tout le long. Hein. Par exemple, sur l'enquête qui avait été lancée au niveau national, se poursuit. Je pense qu'après quelques mois, on pourra avoir une première série d'analyses, donc d'ici janvier, février, pour une première restitution sous forme de statistiques et le début des interprétations de ces statistiques. La fiabilité, on en parlait tout à l'heure, mais certains n'ont pas accès au numérique. Ces gens-là, comment on peut leur proposer éventuellement de participer ? Je pense que tout le monde a la possibilité d'avoir accès au numérique. Peut-être pas de chez soi, mais il y a quand même un certain nombre de moyens, des bornes Wi-Fi, des cybercafés, voilà, il y a toujours un moyen de se connecter si on le souhaite, je pense. Et concrètement, comment les informations collectées, elles vont servir à établir les programmes à la télé, à la radio ? C'est une matière de base. Après, selon les angles et selon les analyses qui vont faire ressortir des faits marquants ou des particularités de la réunion, évidemment, ça permettra de fournir la matière pour des débats, pour du magazine, pour de l'information, et puis à l'approche d'échéances électorales, ça va permettre aussi de confronter les hommes politiques aux attentes de leur jeunesse. Et dernière question, est-ce que le but c'est de renforcer l'identité locale de Réunion Première au final ? En tout cas, de prouver qu'on n'est pas un petit caillou isolé et oublié, mais qu'on participe à une enquête qui devient mondiale et qu'on a notre place là-dedans. Benjamin Morel, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette enquête Génération Watt. Donc il suffit d'aller sur Internet pour répondre aux quelques 150 questions. Il y en a beaucoup, il faut un petit peu de temps. Oui, on peut le faire en plusieurs fois. On peut laisser de côté, y revenir. Voilà. Interview à retrouver à 13h30. Si vous l'avez raté ce matin, Benjamin Morel, directeur d'antenne télé de Première. Et vous pourrez suivre Génération Watt, bien sûr, forcément en télévision prochainement. Bon réveil à tous, bon début de journée, vous êtes bien sur Première. On fait un point trafic dans un instant, juste après les frérots de la Vega. Et à 7h30, bien sûr, l'information avec Cécile Thomas. Je cherchais contre vents et marées, une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Sous la lune, au ciel étoilé, non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour, la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Ouais. Est-ce que t'entends? Ouais. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite. s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'aiguise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Combien de temps, comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard? N'as-tu vraiment aucun souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire, juste la la la la ouais. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Les frères de la Vega, cher Aïsa, elle les adore. Il y en a la réunion. Autour de moi, ça prend. Ça, on le sait, hein, ça fait au moins 10 fois que tu le répètes, Aïsa. Bon, allez, on finit sur les routes. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire réunion. Et vous êtes à deux canons. Alors on va parler là où il n'y avait pas de pluie, donc dans le sud, ça roule normalement, descente du tampon, notamment par rapport à hier. La route des plages également entre Saint-Gilles et Saint-Paul, en tout cas Grand Fond-Boucan, c'est plutôt roulant à cette heure-ci. D'ailleurs, le ralentissement est toujours sous la tranchée couverte de Saint-Paul, hein, donc c'est un ralentissement modéré pour rejoindre la route digue. Ça va mieux également sur la corniche sous la pluie, hein, depuis la position, donc la chaussée est mouillée. Et les ralentissements se rapprochent de Saint-Denis au niveau de la Grande Chaloupe. La montée U2 pour Vinsane toujours encombrée. Attention, prudence dans les rampes de la route de la montagne. Donc là, il y a toujours cette pluie, même du brouillard sur la route de Belpierre en descendant du Brûlé. Tous les hauteurs d'ailleurs de Saint-Denis sont sous la pluie en ce moment. Je vous rappelle donc les feux qui ne fonctionnent pas à la fois au carrefour route digue. Et comme c'est un rond-point, ben vous faites la priorité. C'est la priorité et la règle de la priorité d'un rond-point qui s'applique, bien entendu, quand les feux ne fonctionnent pas. Et puis vous avez le feu en dessous, donc au niveau de la route digue, au niveau du TCSP près de la cité du Butor. Donc là aussi, ça ne fonctionne pas. Donc attention aux priorités à respecter. Toute l'entrée est bien ralentie. Dans l'est également, en fin de 4 voies vers Saint-Benoît. L'inforoute vous a été offerte par QTEC. Machine à boire réunion. 7h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour. Stop à la violence, le ras-le-bol des professeurs de lycées professionnels. Ils ont débrayé hier des agressions d'enseignants par des élèves, un climat tendu dans les établissements. Ils n'en veulent plus. Hier, une délégation du lycée professionnel Horizon a rencontré le recteur. Reportage. 4 ans de prison ferme pour l'importateur de la drogue du cannibale. En tout, 10 personnes ont été condamnées hier à Saint-Pierre. Elles étaient impliquées dans ce trafic démantelé à la fin de l'année dernière. Du changement dans les bus, car Ouest, nouvelle ligne, nouveaux horaires. Les usagers ont découvert ces nouveautés lundi dernier. Sont-ils contents? Reportage dans ce journal. Et puis Claude Onesta, le manager de l'équipe de France de handball, est à la Réunion. Il a tout gagné en tant qu'entraîneur. Il nous parle des joueurs, les Réunionnais de l'équipe de France. Des policiers au collège de Cambuston à Saint-André hier, rencontre avec ceux qui assurent notre sécurité. C'est un rendez-vous annuel proposé par les forces de l'ordre et les pompiers pour faire connaître leur mission. Avec les élèves du collège, les échanges ont été fructueux. Les dangers d'Internet et des réseaux sociaux sont visiblement méconnus. Reportage Patrick Ramoudou. La brigade motorisée de la police qui prend en chasse un scootériste, le GIPN maîtrise un terroriste qui faisait feu à tout va. Les jeunes du collège Cambuston ont donc pu voir certains métiers de la police et le tout dans un cadre éducatif. L'atelier cybercriminalité a aussi connu un bon succès. Il est vrai que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux et font beaucoup d'erreurs. Corinne Casanov, adjointe du chef d'état-major à la direction départementale de la sécurité publique. Ils ont de nombreux amis et il n'y a pas suffisamment de pare-feu. Facebook présente effectivement des possibilités d'avoir des pare-feux, des mots de passe, des techniques pour justement se protéger et puis n'accepter que ses amis. Les parents ne se méfient pas suffisamment. Et effectivement, le compte est ouvert à tout va avec leur vraie identité, bien sûr, leur date de naissance, parfois leur adresse, toutes les photos avec les amis. Et voilà, et c'est totalement imprudent. En tout cas, ces jeunes ont été bien informés et savent qu'ils devront être vigilants. Il ne faut pas qu'on n'importe quoi sur Facebook, faites attention sur Internet, nous ne parlons pas à bout de quelque chose. Il ne faut pas à chaque instant poster des photos, on peut avoir des problèmes. Sur Facebook,

qu'il y a des changements qui ont été un peu compliqués, mais on trouve toujours des solutions. Aussi, dans un souci de proposer un service de qualité et éviter trop de mécontents, CarWest propose à ses usagers de tester les lignes et surtout de donner leur avis sur Internet ou via un numéro Azure. Et le numéro Azure est le suivant, le 0810 45 65 20. 0810 45 65 20. Claude Onesta est à La Réunion, c'est l'entraîneur et sélectionneur le plus titré du sport français. Et après 16 ans de règne, il vient de passer la main à Didier Dinard et Guillaume Gilles. Il devient manager général de l'équipe de France de handball. Il dresse un bilan très positif de ses recrues réunionnaises, de Jackson Richardson à Daniel Narcisse. On écoute Claude Onesta. La Réunion a déjà produit des joueurs exceptionnels pour l'équipe de France et qui ont fait partie des meilleurs joueurs du monde. Plus précisément, si je m'attache à Daniel qui est encore là, on n'est pas élu meilleur joueur du monde pour rien. On n'est pas le joueur qu'il est avec l'influence qu'il a sur le terrain pour rien. Donc c'est et un joueur qui est devenu un des meilleurs joueurs de la planète. Et aussi un individu charmant avec qui il est facile de vivre, qui par moments respire bien, la terre de ses origines, avec une forme de tranquillité, de une espèce de distance avec les événements, une sagesse aussi. La voix bien grave de Claude Onesta micro de Delphine Poudroux. Oui, ça, on reconnaîtrait, Anthony, là. Là, quand il ne devait pas être content sur le banc, il devait vous dire de vous bouger un peu. Ça doit faire peur. Alors, je pense qu'il y en a qui ont des souvenirs qu'ils garderont longtemps. Cécile Thomas, je vous souhaite un bon week-end. Ah, merci beaucoup. À plus bon dans la bouche. Dans le cas que tu veux, Cécile, il n'y a pas de problème. Pour aller vers le soleil ? Bah oui, ce serait bien ça. Oui, pour le week-end. On va voir justement. Il arrive. Allez, 7h40 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Bon d'accord, aujourd'hui c'est maf, mais aujourd'hui, il faut se dire qu'il va arriver le soleil. Voilà, il arrive le soleil, il arrive. Mais pour l'instant, on va rester avec un ciel gris et bien plombé, hein, entre le port, Saint-Denis, la région de Saint-Philippe, en passant par les plaines des Cirques. Tout ça, ça sera bien nuageux ce matin, même aussi d'ailleurs cet après-midi avec des averses par endroits, de bonnes averses et par intermittence. Parfois, quelques trouées de ciel bleu, ça va être difficile tout de même, parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages, et surtout des accalmies, donc plus d'averses. Sur l'ouest et le sud-ouest, là, c'est un grand beau temps, même jusqu'à Saint-Philippe. Ça va se dégrader cet après-midi. Tout le monde sera logé, donc du coup, sous la pluie, avec des averses par endroits, des nuages un petit peu moins menaçants à d'autres endroits. Du vent de nord qui va souffler encore dans l'ouest et l'est, mais moins qu'hier. Et sur les hauteurs exposées, pleine des Cafres ou encore le Maïdo. Et puis des températures plutôt douces. L'atmosphère est pesante, puisqu'on est en flux de nord. Donc vous le ressentez, hein, c'est assez humide dans l'atmosphère. Le soleil revient sur la moitié nord. À partir normalement du milieu ou de la fin d'après-midi, il sera là ce week-end et ça c'est la bonne nouvelle. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Comment ça roule ce matin ? On voit ça tout de suite avec Yves. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Vous êtes sur le front de mer, Yves. Oui, c'est dense hein, sur ce front de mer, au moins jusqu'à Patata-Durand. Après, ça roule mieux pour le passage du Butor, le Lancastel, avec un peu de ralentissement en fin de Lancastel. Nous sommes le premier samedi du mois, attention, donc ça veut dire marché de nuit demain. Le Varachois sera fermé à partir de 19h demain soir, jusqu'en milieu de nuit, et puis refermé dimanche après-midi. Attention à la contrainte de ce week-end, c'est bien entendu la fermeture de la route du littoral totalement de 6h30 à 12h30 ce dimanche. Impossibilité de circuler sur la corniche, déviation obligatoire par les rampes de la montagne, voire par les plaines si vous circulez du sud au nord, donc ou du nord au sud, pour vos déplacements donc de ce dimanche. Voilà, purge de la falaise, on le rappelle. Autre information, hein, donc la rue du Pont, je vous en parlais, les vacances démarrent. Ce soir ou demain pour certains. Et la rue du Pont, on va rentrer dans une phase de travaux où il faut enlever la couche d'enrobé, celle qui reste en ce moment sur la partie de circulation ou la partie de chaussée sur laquelle vous circulez actuellement. Et ensuite, donc il va y avoir les travaux d'étanchéité, refaire les enrobés. Donc on va profiter de toutes les vacances pour fermer totalement, donc à partir de lundi 10 jusqu'au 20 octobre, cet ouvrage au-dessus de la rivière Saint-Denis en face de l'église de la Délivrance, fermé totalement avec déviation par le pont Vinsane ou par le pont en bas donc de Saint-Denis. Voilà, donc attention à ces contraintes qui se préparent. Très bonne route, attention sous la pluie. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Vous êtes 1069 années érotiques sur la fanpage de Facebook. Grand matin, cette fameuse page Facebook que vous trouvez en appelant. En appelant pas rien. En écrivant. Voilà, c'est grand, mieux. Grand, G-A-N, matin, année érotique. Oui, 69, c'est une année érotique, non comme le dit Gainsbourg. N'est-ce pas? Oui, sûrement, mais oui, connais pas, t'es pas né. Même t'es pas né. Tu connais pas la chanson, quoi. Et c'était pas en 1069, c'était en 1969. Bah oui, c'est ce que je dis, oui. Mais j'ai dit 69. Voilà. Ouais, bah oui, oublie un peu de 1000 avant. Comprends rien, Isa. Bon. 1069, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en fait, 1069? Ça veut dire que il faudrait bien dépasser les 1100 ce matin, ça serait cool. Ça serait bien. Et quand, pourquoi tu dis ça? T'es défaitiste aussi, hein? Possible ça, hein? Oh là là! On a autant de chance dépasse là le 100 là que Nana Soleil après-midi. Oui, mon et ben moi j'ai bien envie qu'on dépasse les 1100 fans. Si vous êtes fan de Grand Matin et que vous n'avez pas encore liké la page Grand Matin. Eh bien, on y va maintenant sur cette fameuse page Grand Matin. On like et on like pour gagner peut-être un week-end à Cilaos. Ah oui. En 3 étoiles, la s'il vous plaît. La dernier virage, là, dépêche azote avant 8h. Tiens, on a noté les défaitistes, là, Johan. Vas-y, on prend courage. Aussi, prends courage. Ton bateau, il s'est coulé. Ouais. Bah, pas le nôtre, en tout cas. Ah non. Vous êtes dans Grand Matin. Bonne journée. Il faut qu'il prend courage. Ton bateau, là, faut couler. Bateau pour faire nos phrases. Tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut qu'il prend courage. Bateau là pour couler, bateau il a fait nos phrases, tu trouves pile au bord où ça il est. Dans la vie n'a des hauts, n'a des bas, n'a toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas couper de la raison. Même si demain matin on croit que c'est la fin, il faut pas perdre moyen, il faut qu'il lève le poing. Dans la vie n'a des hauts, n'a des bas, n'a toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas couper de la raison. Demain matin, on croit que c'est la fin. Il faut pas perdre moyen. Il faut qu'il lève le poing. Il faut qu'il prend courage. Ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases. Tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut qu'il prend courage. Ton bateau là pour couler. Bateau il a fait nos phrases. Tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut qu'il prend courage. Ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Oh, tu prends courage, ton bateau là pour couler. Bateau il a fait nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Quand tu prends la vie en main, faut pas te décourager. Le bonheur, les coups de main, mettre le mauvais de côté. Faut que tu puisses la force en toi, reste pas des six côtés. Allez, relève à toi, demain tu vas gagner. Sans tatouer d'un fait noir, ouvre la fenêtre, regarde un peu. Après, tu vas voir que la lumière y brille aussi pour toi. Même sous la vie en vie, rien n'est fini. On va voir comment la vie. Devant les plis solidotés, il faut qu'il prend courage. Ton bateau là pour couler, bateau pour faire nos phrases. Tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut qu'il prend courage. Ton bateau là pour couler, bateau il a fait nos phrases. Tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut qu'il prend courage. Ton bateau là pour couler, bateau pour faire nos phrases. Tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut qu'il prend courage. Johan avec Faut-il prend courage. Bon, donne-nous de bateau, Johan. Bon début de journée. Viens ici. Ça voilà. Dépend quel bateau. Hein. Ah ouais. Ça dépend. Hein. Non, mais dans le bateau, non. Comment? À la place. C'est la barque, ça, il coule. Bon, pas bon. 1072 bien. Fans, ça a bougé. Année fantastique, l'objectif, celle-là. L'objectif, oui, 1072. L'objectif, maintenant, c'est de faire bouger encore plus ça et dépasser les 1100 fans ce matin. Vous likez la fanpage de Facebook. Dépêche. Et vous gagnez des cadeaux, les amis. Ah. Vous allez peut-être à Cilaos ce week-end. Nuit en chambre d'eau, petit déjeuner avec piscine, tout ça, c'est pour vous. Allez. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi, cheval qui rit, à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux.

quand on a pris le numéro, forcément, on est. Von Main fait sonner. Bête. On fait sonner où, dans quelle région déjà? Je sais pas. On sait pas. Bah, on sait pas parce qu'en fait, c'est un nom au hasard. Ouais. On a pris le nom au hasard et on appelle certaine Madame E. Voilà, ça commence par un E, son Madame prénom. Madame E. Allez, on est parti. Un week-end à Sillaus à gagner. Allô? Allô, Eliska? Bonjour! Oui, Eliska! Oui, Eliska! Alors, Eliska, avant que vous fassiez une attaque, baissez la radio derrière. Baissez la radio derrière. Eliska? Oui! On va la perdre. On va la perdre. Ah oui, là, il s'est fait un cartac, là, c'est sûr. Hein. Ok, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible! Eliska, vous êtes fan de la page Facebook? Toujours, always. Vous êtes fan de Grand Matin. Oui, vous êtes avec nous tous les matins au réveil. Eliska, oui, ce week-end, oui. Préparez vos valises. Oui, ma chérie. Vous allez à Sillaus. Ah, bravo. C'est pour vous. Avec la personne de votre choix. Ah oui, en chambre double, avec de petits déjeuners à l'hôtel Le Vieux Cep à Sillaus. Waouh. Voilà. Waouh. Ça, c'est pour vous. Oh, nous aussi. On vous souhaite un bon week-end. Bisous, ma chérie. Salut. Bisous, merci. Y a pas de souci, bye bye. Bye. Allez, pour finir cette semaine en beauté, ouais. Il nous fallait un zapping. Eh allez. Oui, et le vendredi, bah faut se faire plaisir. Enfin, on se fait plaisir, sauf qu'on s'appelle Yves Gruyer et qu'on a des mauvais souvenirs de son enfance. Sinon, bah comme c'est vendredi, bah pour tout le monde, pour tout le peu la langue imaille, le peu. Nous allons parler de mangeuse. La tête fait mal, pourquoi? Fatiguée, c'est un l'amoureux week-end là. C'est beau. Oh, c'est doux. Qu'est-ce que ça? Bonjour Sabine, tu connais le martinet? Moi, goûte ça, moi, le martinet, un manche en bois avec des lanières de cuir. Ah mon Dieu Seigneur. Oui, bonsoir. Oui, comment il est? Oh, t'es Jean-Pierre, ça. Jean-Pierre Foucault? Bah. Oh là là là là. T'es un député stagiaire. Il ne sait pas qu'on ne présente pas de cavalier législatif dans le cadre d'une loi. Il a eu droit à un enterrement de son amendement en première classe, mais sans fleurs ni couronne. Ah! Ben. Elle redoute une explosion après l'hiver austral comme lors de l'épidémie du chikungunya en 2005. Eux aussi sont inquiets, les professeurs du lycée Roland-Garros. Un grand raid, encore plus raid. Ah, il re-raidit. Ben. Alors, l'Anna Corinne de Saint-Paul, ils vendent un lit pour enfants en steak jusqu'à 15 ans, très joli, à 300 euros. Oui, ben, la madame a dit en bois steak. C'est un lit en bois steak. En vente au rayon boucherie et au rayon surgelé. Ah, le bois steak. Ah, le bois steak, non, c'est bon. Le bois steak. Oh, la chance, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Comment tu veux t'en sortir? Comment tu fais, Florent? Arrêtez. La liste à présenter sous un âge. En plus. Bonjour, Jackie. Bonjour. En bois steak. Bon, Jackie, en 8h, 10h. Bah, c'est ma figue. C'est toi. Oui. Et on a dit au bouquin de pâté. Non, les vrais. C'est nous, pas cause bien. Baba Fig ce matin, mais oui. Cuisiné façon achard avec Jean-Baptiste Payette. Les différentes étapes de la préparation, les épices, la cuisson, la conservation. On parle du Baba Fig et aussi du achard de Tijac ce matin entre 8h et 9h. Il y aura Radio Ménage, Frédo et Marlène. Oui. L'astuce, comment réussir un rougaillement. Et puis, les gens des croyances. On finira avec la saga sur les chats aujourd'hui. Oh là là! Bah, avec oui. 5 autres comportements qui signifient que votre chat veut vous tuer. Voilà. Avec ça. Tout l'air. Ça, c'est entre 8h et 10h. Jackie Revel. Bon salut week-end! Lisa. Bon week-end! Et à lundi. Salut! We can't sit there. Find our body. Cara avec White Things et bien sûr la, les chœurs d'Isabelle. Voilà, bientôt en vente dans les bacs. Et gros bac. Gros bac la viande. En bois steak. Offerte par Q-Tech, machine à boire réunion. Vous êtes au chaudron, Yves. Oui, avec un pas mal de trafic au niveau du rond-point 4J en sortie de la rue des Messageries pour traverser le boulevard du Chaudron et accéder également au Chaudron par la rue de Lé, en direction du Mail du Chaudron et la place du marché. La circulation se faisant sans trop de changements depuis tout à l'heure. Ça roule toujours sur la route des plages dans l'ouest avec, je le rappelle, dans la semaine, hein, donc il y a eu un changement important. Plus de zone de dépassement sur la partie nord de Saint-Lô au niveau de la pointe des Châteaux. Il n'y a plus de zone de dépassement. C'est une circulation à double sens qui se fait sur les voies côté montagne, pardon, à cause de la voie côté mer étant définitivement fermée. Alors comme nous approchons du week-end, faut-il rappeler cette consigne et ces changements, hein, donc qui sont intervenus cette semaine pour éviter ce qui s'était passé et les drames donc lors d'une collision du côté de la 80 de Saint-Gilles qui avait été fermée, qui avait oublié, donc il n'y avait plus de zone de dépassement. Voilà, attention. Donc sinon ça circule toujours dans la descente du tampon. Attention au changement de plan de circulation donc qui est intervenu depuis hier et donc qui démarre surtout aujourd'hui pour les florilèges. Attention donc à la rue du tampon notamment qui est mise en sens inverse comme chaque année. La circulation ralentit à hauteur de la grande chaloupe sur la route du littoral, route toujours mouillée, ça roule mieux sur le pont Vinson, la moitié est encombrée, les tranchées sont toujours pleines, l'entrée est également. L'inforoute vous a été offerte par Q-Tech, machine à boire réunion. Vous écoutez Réunion Première, il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Le Dash 8 est arrivé à La Réunion. L'avion bombardier d'eau sera positionné à Pierrefonds durant toute la saison des feux de forêt, du 15 septembre au 15 décembre. L'an dernier, 262 départs de feu ont été enregistrés. Près de 200 hectares sont partis en fumée. C'est un casse-tête pour les usagers. Le réseau Car West change ses horaires et ses lignes de bus. Objectif, proposer des trajets plus directs. Il faut donc changer ses habitudes et ça demande un temps d'adaptation. Delphine Poudroux est allée à la rencontre des usagers. Et puis en sport, on entendra tout à l'heure l'entraîneur et sélectionneur le plus titré du sport français, Claude Onesta, est à La Réunion en ce moment. Il est invité par l'ADIR, même si on a beaucoup parlé handball depuis son arrivée. Ce sera à la fin.